Dis Bibounette, tu veux faire quoi aujourd'hui ? La même chose que tous les mois, mon Bibou. Faire un petit podcast. Bibou et Bibounette, Bibounette et Bibou, ils se prennent pas la tête et vous donnent rendez-vous. Rendez-vous bonne franquette chez Bibou Bibounette, chez Bibou, Bibou et Bibounette, net, net, net, net. Ah, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bibou et Bibounette spécial quiz cinéma. Et nous sommes aujourd'hui présents à Podren. Coucou mon Bibou, comment tu vas ? Eh ben ça va très bien. Et toi d'ailleurs ? Bah écoute, moi ça va très très bien. Très bon week-end de Podren. Et toi mon Bibou ? Oui, on va peut-être pas se demander ça. Mais... bon bref, comme j'ai dit... Ça sera donc un épisode légèrement troll quiz cinéma, comme on a pu le faire avant. Tout à fait. Un petit peu plus court que d'habitude, j'espère. Bien sûr. Et je suis accompagné aujourd'hui par mon acolyte des quiz de toujours, Aka Dallas. Bonjour mon Bibou, comment Bonjour, tu vas? Ah, mon Bibou. Oui, bah, ça va, tu super. Es mon Bibou aujourd'hui. Ça va super et toi? Ça va bien, ça va très très bien. Je te cède la passe, Aka Dallas, je te laisse la passe. Merci Fanny. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux équipes avec des gens absolument incroyables. De belles personnes. L'équipe des filles, l'équipe Les Bouchères de l'Est, je crois. Tout à fait. Avec Kikrine et Bibounette. Bonjour. C'est ça. Bonjour. Coucou Bibou. Comment ça va Bibou ? Eh ben ça va. Ça va mieux depuis que j'ai pensé à faire lancer l'enregistrement, ce que j'ai oublié de faire juste avant. Non, il y a des détails, il faut être attentif à ces détails-là. C'est bon, l'enregistrement tourne, c'est bon, on est parti. Et l'équipe de Sophie Marceau avec Draven et le docteur Zaius. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, et toi ? Ouais, ça va. Moi, je tiens à dire, Bibou, que tu es très emboté aujourd'hui. Eh ben, ah oui. Mais comment tu m'as volé ma réplique ? Mais ah, non. Et Yannick, tu parles très bien dans le micro. Oui, merci, Doc. Toi, t'as envie d'un cadeau, toi. Non, t'auras pas de cadeau. Ça marche pas comme ça. Incroyable. Bah, Jérôme a révisé tous les films de la Boom avant de venir. Ah, tellement pas. Connais la fin complète de Sophie Marceau. Il a tout regardé trois fois. Non. Si. Non, mais c'est pas l'envie qui en manquait. Hein. Non, mais si non, maintenant en fait, tu lui poses la question, qui joue Vicky dans la Boom ? Sophie Marceau. Bah voilà. Un point gagner, direct. Ah. Merci. Alors, je vais vous laisser avec Dallas qui va vous expliquer un petit peu le déroulé de l'émission et puis les règles et tout ça. Alors, ce sera très simple. Nous allons faire, comme d'habitude, des questions à choix multiples, 8 questions par équipe. On va essayer de faire un petit peu plus court que d'habitude. Vous aurez au milieu un petit jeu musical avec notre ami Rémi, qui malheureusement n'a pas pu venir avec nous à Podren. Qui malheureusement a préparé des questions. Mais qui nous a fait un petit truc qui, je pense, devrait vraiment beaucoup vous plaire. Okay. Et à la fin des questions, vous aurez un deuxième jeu pour clôturer. Bah, ça va être bien tout ça. Voilà, ça, vous aurez aussi droit, bien entendu, à des jokers. Ah, les jokers. Les fameux jokers. Bien sûr. 2 jokers par équipe. 50-50, et vous aurez aussi la possibilité de demander l'avis de l'équipe adverse. Ah oui, bien sûr, maintenant qu'on les voit droit dans les yeux, on sait qu'on peut compter sur eux. Je tiens à rappeler que dans une émission précédente, les bouchers de Ape City n'avaient donné que des bonnes réponses. À l'inverse, c'est vrai. Je pense qu'on avait été un petit peu voilà. plus Donc, vicieux. Tout le à public fait. Jugera, mais on verra qui est fourbe ou pas. Tout à fait. Moi je sais, moi je sais. Oui, c'est Draven, hein. c'est Draven qui ment. Mais non, mais jamais. Ah Karine, c'est sûr. Tout le temps. Oui, tout le temps. Mais... tu vois, voilà. C'est bref, laissez. Bon, commençons le jeu. C'est alors, bon. Alors, en fait, j'avais juste une petite annonce à faire avant de commencer le jeu. Et vous m'envoyez désolé de voir en arriver là, mais suite à de nombreuses plaintes concernant l'attitude et le comportement de certains candidats dans les émissions précédentes, j'ai donc été contraint d'inclure des menaces de sanctions dans le règlement intérieur du podcast. Yannick, je vais te laisser distribuer les bons que j'ai préparés. J'ai donc, non. Alors, c'est vrai que c'est la seule chose, je l'avoue Bibou, officiellement. Ouais. C'est la seule chose dont j'étais au courant parce que c'est moi qui les ai imprimés et découpés au travail. Non, je suis désolé, on peut pas. Non, mais il y a tricherie. Non, mais alors, ça commence très mal. Fais gaffe ce que t'as dans les mains. Lis bien. Fais attention. Bah, tiens, Bibounette, tu peux expliquer un petit peu ce que. Donc, nous avons dans les mains, en fait, ce qu'on appelle un ticket d'or, mais qui est aussi, où c'est marqué dessus, un bon pour un râlage. Voilà. Si tu râles. En tout cas, non, je tiens à dire que, là, pour le coup, je suis sérieux. C'est vraiment, sympa, hein. Il est vraiment magnifique. On dirait un ticket pour un truc genre d'une, d'une fête foraine. Cherchez bien, peu... tu vas trouver le film. Ah ben, vous êtes peut-être la référence. Bah, moi, ça me fait penser. C'est la Station Hero. Exactement. Voilà, exactement. Oui, exactement. Voilà, quand il rentre dans la machine. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Excellent. Alors voilà, règlement, c'est que chaque personne prise en train de râler ou de contester les questions se verra dans l'obligation de nous remettre un bon de râlage. Aucun problème. Je pense okay. que ça va aller très vite pour certaines personnes. Je ne regarde pas forcément. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ouais, ouais. Ok, ok. Est-ce qu'on a le droit... Alors, petite question. Vas-y, vas-y. Maintenant, imaginons, j'ai beaucoup râlé, j'ai plus de bon de râlage. Oui, je est-ce que je peux lui en prêter après. Est-ce que Karine peut me donner, vu qu'on est dans la même équipe, est-ce que Karine peut me donner un bon de râlage? J'avais pas pensé à ça, mais on va est-ce dire que est-ce que je peux voler ce Jérôme? Attends, quoi? Non. non. Alors, par contre, je crois qu'on, le fait qu'on soit pas dans la même équipe, ouais, je suis pas sûre. Ça joue. Est-ce que ça joue? Hein, est-ce que eux, ils ont le droit de faire un don? Bon, écoutez, on verra ça au moment mais, venu. D'accord. On leur vole. Mais pour l'instant, ils auront ah, pas le temps de faire un don. En fait, quand ça on va en a partir plus. Tellement. Alors, là, admettons que je les utilise. Admettons ce qui va arriver assez rapidement, je pense. Si râlage et n'ayant plus de bon pour justifier son ouais. comportement, nous devrons opérer une sanction. Alors, pour la sanction, ça va pas être compliqué. J'ai choisi quelque chose de très sobre et très simple. tous les passages de vous en train de râler seront intégrés à un remix techno bien dégueulasse du film Titanic en toute fin d'émission. Ah ouais, et puis on a choisi la musique avec Bibou, et franchement, vous allez pas être déçus. C'est une très bonne idée. Mais... Ok. Moi, je trouve que Jérôme a déjà râlé. On devrait lui en enlever un. Tu vois, il râle. C'était un petit peu limite, mais... Mais non. Ne t'inquiète pas, Kikrin, ça va très très vite arriver. Il râle déjà? Mais non. J'ai... Allez, moi, ça. J'ai l'effet déclencheur de râlage de Jérôme, ça va être... Non, c'est... Une très allez, bonne fais idée. Pas ta mijaurée. Ok, bon, vraiment, on va s'arrêter là pour l'instant. Super règle. Excellent. Est-ce que... On voit Jérôme, alors vous voyez pas son visage, pas mais chose. Vraiment, il se contient là. Il miaule. Non, c'est bien. Ouais, c'est bien, hein, comme ouais, ouais, ouais. C'est une très... Bon, du coup, c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir commencer les questions si ça vous va. Ça te va, Zaius, ou pas? Impeccable. Impeccable. Toi, ah. Tu râles jamais te dérange de toute pas, façon. Mais ouais, je suis un mec gentil, moi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je confirme. Et puis, de toute façon, on est tous des belles personnes à cette table. Ok. C'est parti. Vous bon. Êtes prêts, les amis? On est prêts. Ça commence par une question pour vous, mesdames. Dans le petit film de SF, sorti en 1991 et réalisé par James Cameron, on aura Terminator 2. Ah, Jérôme est hyper concentré. On voit pas. Qu'il est tendu, là. Il est dégoûté, ouais. Il est tendu, surtout. Il n'a pas la question. Comment s'appelle le chien de la famille d'accueil de John Connor? Ah oui, c'est qui, hein? Vous avez le choix entre Wolfie, Max, Rex ou Indiana. Bah oui, tout le monde le sait, Indiana, c'est le nom du chien. Je parle juste avec ma coéquipière deux secondes, même si je... sans hésitation. Alors, tu valides ou pas? Oui, oui, oui. Si sans hésitation, veux... Wolfie. Tu peux demander à Wolfie? Tu valides ta réponse? Je valide ma réponse, oui. Et c'est une mauvaise réponse. Puisque le nom du chien, c'est... On va demander à Draven. Il s'agit de Max, bien sûr. Il s'agit sûr. De Max. Wolfie, c'est le nom du chien qu'utilise le T-800 pour... Tendre un prendre piège. Prendre à défaut le T-1000 et qui oui. a pris la place de la maman adoptive de John c'est ça, Connor. C'est dégueulasse. Et c'est bien connu, Max, c'est le meilleur ami de l'homme. J'avais oublié qu'on était dans un spécial troll. On est dans un spécial troll? Oui. Je l'ai dit avant. Je l'avais dit avant. C'est on vrai est dans un ouais. spécial troll ah et oui. donc je viens de me faire avoir comme le oui. T-1000 en fait. C'est ça. Et je suis complètement dégoûtée, hey, mais je ne vais pas. Ça veut dire que t'es peut-être pas un humain. T'es un Cylon. Wolfie va bien. Je suis dégoûtée. Mais je ne râle pas. J'accepte cette défaite. L'ascenseur émotionnel de Draven était quand même assez intéressant à voir. Tout à fait. Merci. Alors, une question pour vous, messieurs. J'ai une envie de râler, vous imaginez même. Je suis spécial troll. Dans le superbe, le génial, le magnifique film Last Night in Soho, du génialissime réalisateur Edgar Wright. Oui, j'ai adoré ce film. Quel est le prénom de la jeune fille qui part faire ses études à Londres? Est-ce qu'elle s'appelle Eleanor, Alexandra, Héloïse ou Soho, d'où le titre du film Last Night in Soho. C'est Héloïse. Je pense qu'ils utilisent un diminutif, mais je pense que c'est Héloïse, d'où le la chanson Héloïse, ouais. Mais c'est pas celle du passé qui s'appelle Héloïse. Ah, ou alors ce serait Alexandra. Mais non, j'ai un doute. Non, t'as raison, c'est peut-être celle du présent. Moi, j'hésite entre Alexandra et Louis. Mais Héloïse, c'est par rapport à la chanson. Ouais, Héloïse. Non, parce que c'est celle du présent qui entend la chanson dans le bar. Ouais. C'est peut-être Alexandra, bien Héloïse. Il doit y avoir une Alexandra dans l'histoire, mais à choisir, je dirais Héloïse. Non, ouais, je crois que c'est, ouais, je crois que c'est Héloïse. Vous validez Héloïse, monsieur? Tic, tac, tic, tac. J'essaie de lire dans ses yeux. Ouais, non, allez, on part là-dessus. Oui, on reste là-dessus, allez. Et c'est une bonne réponse. Oh, merci. On en était sûr à 100%, on savait. On savait. Alexandra, c'est le nom de la jeune fille qui est dans les années 60. Okay. Donc, son vrai prénom. Okay. Parce que son surnom, c'était Sandy. Sandy, voilà. Sandy. Et Eleanor, c'était juste un prénom qui ressemblait à Héloïse. C'est bien joué. Qui ressemblait à Héloïse. C'est très bien joué. Merci beaucoup. Bien joué. Bah, t'as vu, je fais l'inverse du ralage. Oui, mais je te félicite. Bah, je sais pas ce que c'est le ralage. Je donne un bon. C'est vrai. Tu vas peut-être regretter avec ton coéquipier, hein, je suis pas sûre. On en a pas besoin, nous, c'est bon. C'est vrai, on est très détendu, on accepte la défaite. Oui. Hein, c'est, ouais, vrai. C'est vrai. On le vit bien. Bah, très bien. Moi, ça va, en tout cas. On passe à la question pour les bouchères de l'Est. Oui, tout à fait. D'accord, ok. C'est Karine, cette fois-ci, hein, moi. Je... D'accord. Okay. Monsieur Kikrine, elle va y aller, là. Dans cette scène légèrement crypto-gay de Rocky 3. De quelle couleur sont les pum-pum shorts de Rocky et d'Apollo Creed durant leur entraînement sur la plage de Santa Monica? Putain, c'est précis. Alors, ouais. Rocky porte un pum-pum short noir et Apollo un rouge. B, Rocky porte un pum-pum short rouge et Apollo un noir. Réponse C, Rocky porte un pum-pum short jaune et Apollo un vert. Ou réponse D, Rocky porte un pum-pum short orange et Apollo un blanc. Ah, moi, déjà, j'avais envie de dire noir et or, alors. Moi, j'étais partie, ouais, vers du blanc, or, quelque chose comme, ouais, ça. Donc, c'est pas, en fait. Donc, moi, j'ai rien écouté, mais j'ai la bonne réponse. Est-ce que tu pourrais nous répéter celle où il y a du blanc, s'il te plaît? Est-ce que vous voulez que je vous répète les quatre assez rapidement? Juste les couleurs, ouais. Alors, Rocky en noir. Non, juste les couleurs, ouais. Rocky noir et Apollo. Ça va être bizarre, des fois. Ouais. Hein. Rocky noir et Apollo rouge. Oui. Rocky rouge et Apollo noir. Ouais, l'inverse. Rocky jaune et Apollo vert. Non. Rocky orange et Apollo blanc. Mais vous avez, c'est gênant, du coup, quoi. Ben, moi, je dirais une des deux premières. Ouais. Une des deux premières. Redis les deux premières. Et je verrais bien Rocky en noir. Alors, les deux premières sont Rocky avec un short noir et Apollo avec un short rouge, ou Rocky avec un short rouge et Apollo avec un short noir. Ah, peut-être la deuxième. Vous avez droit à des jokers, hein, les filles. On va peut-être pas les cramer tout de suite. Il y a combien de questions en tout? Il y en a 16 en tout. En fait, il y a 16 questions, 8 par personne. 8 par équipe. Ah ouais, c'est, ouais, bon à savoir. T'as envie, ouais, okay, t'as envie de partir, ouais, sur une, par y a un truc qui te tente, en fait. Le joker. J'aime, oui, bien l'idée que ce soit Apollo en noir. Bah, viens, on prend ça. Allez. Tu m'as suivi avant et... Bon, on le tente, mais c'est... Apollo en noir. Avec un peu de hasard. Hein. Donc la première, Apollo en noir. Ouais. Et ben, c'est une mauvaise réponse. C'était la première proposition. Rocky porte un pum-pum short noir et Apollo, merde, un rouge. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On est fair play. Et, si on pardonne, grave, parce qu'on aime bien Rocky. Oui, tout à fait. Elles, d'accord, sont zen, les filles. Elles veulent pas utiliser leur bon pour ralage. Non, on est on est très calme, nous. On est détendu. Ok. Bon, on va passer à l'équipe Sophie Marceau. Qui vont perdre. Ah, ils vont perdre. Ils sont tellement nuls, de toute façon. Ah bah tiens, Bigounette, toi, okay, tu vas peut-être me filer un petit coup de main sur cette question. D'accord. Alors, je vais te dire ça après. Quel est le titre québécois du film Denis la Malice de Nick Castle, sorti en 1993? Donc là, je vais faire les propositions. Si tu peux me faire l'accent québécois et répéter après moi. Québécois. Ouais, ça va? Comment qu'il parle au Québec, comme, ouais, ça. Voilà, très bien. Ok, alors, d'accord, ok, on part sur l'accent du Québec. Donc, ouais, c'est vrai, ouais, c'est belge. J'étais sûr qu'elle ferait l'accent belge. Mais c'est pas grave, ça ira très bien. Ça ira très bien, ouais, l'accent, ouais, belge. C'est bien, ça rend bien. Alors, réponse. L'accent belge québécois. Réponse A, Denis le petit malicieux. Denis le petit malicieux. Denis l'entourlooper. Denis l'entourlooper. Denis le magouilleur. Denis le magouilleur. Ou Denis la petite peste. Oh, Denis la petite peste. Ça a viré un peu. En fait, ouais, je voudrais savoir c'est quoi le titre anglais de Denis la malice. Je suis quasi sûr que c'est Denis the Menace. Ok. Donc ça n'a rien, non, à voir. Ça n'a rien à voir. Je crois que c'est ça, hein, en VO. Tu peux nous répéter les propositions, s'il te plaît. Mais sans l'accent, si, ouais, ça vous va. Tout. Alors il y a Denis le petit malicieux, Denis l'entourlooper, Denis le magouilleur ou Denis la petite peste. Par rapport à Menace, Je suis pas sûr à 100% de cette histoire de menace, mais... Ouais, mais faut bien qu'on parte sur un truc. La peste. J'aime... Magouilleur, je sais pas, ça colle pas. Non, c'est bizarre. Enfant. Alors, à moins que peut-être que Magouilleur a pas le même sens au Canada, ce qui est pas impossible. Mais Magouilleur... Moi, j'aime bien l'entourlooper. Il cherche mal, ouais, il s'éloigne. Taisez-vous, s'il vous plaît. On se concentre. On a respecté votre temps de parole. Oui, déjà. Ouais, dans le respect. Entourlooper, ouais. Entourlooper, c'est allez, mignon. Ouais, vous trouvez pas ça mignon, vous? Non. Vous partez sur un tour looper? Ouais, on va pas. Un tour looper? Oui. On va pas tortiller. Ouais, tortiller du cul pour chier. En vrai, on sait pas. Hein. Vous savez pas. Mais en fait, non, c'était Denis la petite peste. Ah, oh, j'avais bon! Ouais, merde. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un râlage? Non, c'est. Non, non, une non, interjection. Non, non, d'accord. Oui, voilà. Bien ah, donc sûr. On a le droit quand même d'un, ok. Bah oui, une interjection. Oui, ah. Ah. Oh. A-E-I-O-U. Voilà. C'est ça. Et on n'a pas le droit aux consonnes. Mesdames. Oui. Messieurs. Ce très grand acteur japonais, Hiroyuki Sanada, vu notamment dans Ring, Le Dernier Samouraï, Sunshine, Speed Racer, malheureusement Avengers et Lost, a commencé sa carrière dans un Sentai. Donc un Sentai, c'est un mot japonais signifiant escouade. Ce sont ces séries de super-héros japonais hautes en couleurs et riches en effets spéciaux, mais un poil kitsch quand même. Mais par contre, dans quel Sentai a-t-il commencé? Est-ce qu'il a commencé dans Bioman, dans Sankukai, dans Ixor ou dans Salut les musclés? Salut les musclés, c'est pas un Sentai. Alors, franchement, avant vous êtes sûr de lâcher des trucs, est-ce que toi, t'as une idée de la réponse? Honnêtement. Non, si okay. J'avais pas les propositions, non. Est-ce que tu, est-ce qu'on ferait pas un petit joker genre sans dire les réponses, parce que si on dit un 50-50 en disant des réponses, c'est celle qui vont faire sauter. Je suis pas du tout comme ça, Fanny. Moi j'aurais pas du tout. Moi je vois pas pourquoi. J'aurais bien tenté un truc, mais. Alors vas-y, dis. Ben je verrais bien ça dans Bioman. C'est ce que t'as dit, hein. Il y avait bien Bioman est une des réponses. Vous voulez que je vous redonne les quatre réponses? Si tu veux, oui. Il y a Bioman, il y a Sankukai, il y a Ixor, ou il y a Salut les musclés. Ah, Ixor, c'est pas mal, Ixor. Salut les musclés, non, ça fait déjà plus que trois. Il y a Bioman et moi, je pense que celui du milieu, là, c'était quoi celui Sankukai. C'est la bataille. C'est un animé, c'est pas forcément le... Donc, non? Ça existe aussi en film? Ah oui, oui, oui. Tu joues avec nous, ça? Pardon. Tu me regardes, tu me parles, alors je te réponds, quoi. T'es adorable, mais après, faudra que je t'aide. J'ai rien dit. Ouais, y a jamais rien j'ai qui rien est gratuit, hein. Je me méfie, moi. J'ai rien demandé. T'as les gens de droite, maintenant, on a déjà tout cité, donc on peut pas utiliser le 50-50. Non, je suis pas en train de râler, je te signale, monsieur. Oui, c'est alors, limite, hein. Limite, ouais, limite, c'est limite, hein. On est limite, hein. Hein. Non, en fait, non. Non, non, parce que vous m'avez jamais vu râler. Alors, du coup, Bioman ou Ixor. Vous voulez un 50-50? Bah non, parce que maintenant qu'on a fait des propositions, sinon après c'était l'avis de l'équipe adverse, donc ça c'est mort. Ouais, on le sait, hein. Oui. On a la date? Oui, oui. Ah, on a une date ou pas? Vu les périodes, c'est à peu près tous les mêmes dates, hein. Ah merde. Non, parce que Bioman et Ixor, c'est pas tout à fait les mêmes dates. Ixor, oh, il y a des vieux Bioman au Japon qui sont beaucoup plus vieux que ce qu'on, qu'on connaît, nous, en Europe. T'avais... Bon, moi, je vais te faire perdre, hein, mais ça me va, alors c'est pas grave. Vas-y. Mais... Moi, je m'en fiche. Moi, je suis très bonne joueuse, moi. Bon, la prochaine, ce sera moi. Vas-y, celle-là, c'est la tienne. Bon, bah, Ixor. Vous validez Ixor? On valide Ixor. Et c'était Sankukai. Ah merde, c'est la première que j'ai éliminée. Non, moi je trouve que c'est bien, t'as bien c'est fait bien. De le prendre dans ton ouais, équipe. C'est bien, ouais. Où il jouait le rôle donc de Hayato, le fantôme, avant d'avoir cette carrière cinéma assez impressionnante. Et du coup, c'était un animé ou un... Non, non, non, c'était bien un Sentai avec... Ah ouais, d'accord. Draven, Zayus, vous aviez la réponse ou pas? Je crois que oui. J'aurais dit Sankukai. Ouais, bah, non, mais évidemment, puisqu'il n'avait pas besoin d'y répondre. Il avait forcément la bonne réponse. Moi, j'aurais dit la voilà. Peste. Fais attention. Mais vas-y, mais non. Ouais, alors attends. On utilise le bon de râlage. Ok, mais alors je vais râler, hein, parce que moi, je veux le mériter. Pas juste, tu râles à moitié, quoi. Si tu ah ouais. Tires à la fin, quoi. Ah bah, attends, il faut, moi, il faut que ça, que ça paye le truc. Quand même, non, c'est pas à moi de décider, j'imagine. Non, je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir, de prendre un bon de râlage pour l'instant. Ok. Ça vous va? Ouais. Ça nous va. On voit qu'il se retient quand même, hein. Il miaule. Mais je miaule pas. Là, il râle. Mais... Ça va être bien, ça va être bien. Ça va être sympa. Ça va être sympa, ouais. Ça va être sympa. Messieurs les Sophie Marceau. Je pensais pas dire cette phrase un jour. Ça leur va trop bien non, comme moi, nom. Non, moi, enfin, oui, si. Dans Dirty Dancing. Ah non, pitié. The time qui n'oublie-t-on pas? En 1985, un acteur a réussi l'exploit quasi irréalisable aujourd'hui d'avoir pendant 4 semaines consécutives deux films aux deux premières places du box-office américain. Très précisément du 23 août au 19 septembre 1985. Mais quel est cet acteur? Est-ce que c'est Arnold Schwarzenegger, Michael J. Fox, Chuck Norris ou Gérard Depardieu? Chuck Norris, ça me paraît trop... Ça, c'est pas des blockbusters, non, je vois, ouais, pas. Donc moi, pas... je l'éliminerai. Ouais, clairement. Depardieu ça sent, parce que Depardieu, il a une carrière américaine, mais c'est un peu plus tard. C'est plus les années, ah oui, ouais, 90. Peu... Ouais. Avec Christophe Colomb. Ouais, avant ça, il avait fait Green Card. Il avait fait Doc aussi, non? C'est pas lui qui avait fait, non, il était pas, oui, dans Doc. C'est beaucoup plus tard, et puis ça a pas marché, puis c'est français. Ouais. voilà, c'est ça. Mais, donc, j'aurais tendance aussi, vu la période, à éliminer Depardieu, donc on resterait avec Schwarzy. Ou Michael J. Fox. Alors. Lui, c'est Retour vers le futur qui fait exploser. Mais Retour vers le futur, 85. C'est 85. Ah, il est sorti en 85. Quoi d'autre? Teen Wolf, c'est la même année? Ben, je sais pas. Parce qu'il tourne deux films en même temps. Quand il tourne Retour vers le futur, il tourne deux une films série. En même temps. Ah, c'est une série. Et ouais, il tourne une série. Non, puis Teen Wolf, je vois pas Teen Wolf être premier au box-office. C'est vrai. Ça me paraît énorme. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait avant Retour? Enfin, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Parce que lui, il est connu pour des séries aussi. Il y a la série où il est à la mairie de New York. Ouais, Spin City, beaucoup c'est beaucoup plus tard. City, ouais. Ouais. Parce que ouais, ou alors, mais c'est au box-office mondial ou... Box-office américain. Américain. Donc, il a fait quoi, Schwarzy, en 85? C'est ça que j'ai pas, en fait. Moi non plus, parce que Conan, c'est plutôt... Ouais. Et puis, est-ce que Conan, c'est culte, mais est-ce que ça a cartonné au box-office? Ah, tu n'aurais eu des suites. On peut rien dire. Ah, attends, c'est... En tant qu'équipe, parce que le premier Conan... On peut rien dire. Ouais, le premier Conan, c'est un peu avant. Ça doit être 82. Si vous voulez les perturber, allez-y. C'est vrai. 84, il a fait Terminator, ça c'est sûr. Ouais. Et qu'est-ce qu'il aura fait juste derrière Terminator? Je veux bien croire que sa carrière a explosé juste derrière Terminator. Moi, je serais quand même, par élimination, ce que tu vois... Ils font les malins. Même si je trouve pas les films, on connaît plein de trucs. Oui, par élimination, j'aurais tendance à dire Choisir. On balance notre savoir, mais au fait, on sait pas la réponse. Il a le potentiel d'avoir deux films en même temps, quoi. Alors que Michael J. Fox, à part Retour vers le futur, je vois rien. Bah, moi non plus, ouais. Il y a un délai deadline pour la réponse quand même, parce que là, sinon, dans 3 heures, Vous avez 3 heures, messieurs. Non, mais on a fini de délibérer. Ouais, Choisis. On va dire Choisis, sans avoir aucune idée des films en question. Ouais. Vous validez Schwarzenegger? Ouais. Ouais. Et c'est une mauvaise réponse. Ah bah quand même. Vous l'aviez, messieurs, vous l'aviez. Puisqu'il était en tête du box-office avec Retour vers le futur. Ouais. Et en deuxième, c'était Teen Wolf. Merde! Sérieux? C'était la même année. 4 semaines, ils ont été tous les deux en tête du box-office. Ah ouais, ouais, c'est quoi? En fait, on aurait dû choisir celui pour lequel on avait les films. C'est vrai, en fait, c'est pas con. Très con. J'avoue. C'est complètement stupide. Mais Teen Wolf, alors là, j'aurais... Teen Wolf. Pour moi, c'était culte. Mais ils ont cité les deux films, mais ils ont fait les arrières. Vous les aviez, hein. Fallait oser. On l'a fait. Et effectivement, en même temps. Mais c'est à ça qu'on reconnaît. C'est du beau. Ah, pas de problème. C'est le jeu. Voilà, on a essayé. Et effectivement, en même temps, il tournait la série Family Ties, je crois. Oui. Ouais. Et il tournait Retour à le futur en même temps. Et Teen Wolf avait été tourné un petit peu avant. D'accord, c'est pour ça. Ouais, je trouve que... Ok, on n'a pas le point, mais moralement, on a quand même un peu gagné. Ouais, carrément même. Ah, ouais. Ah oui, oui. Ah, carrément, on est là. Okay. Si, si. Et ce sera valable à la fin de l'émission aussi, dans tous les cas. Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et ben, pour l'instant. Si ça peut vous faire plaisir. C'est extrêmement serré puisque les Sophie Marceau mènent 1 à 0. C'est ça. Ce qui veut dire que nous, on a au moins trouvé une réponse. Oui, c'est vrai. C'est tout écoute, à fait ça vrai. Ça a peut-être changé parce que j'ai une question pour les Bouchères de l'Est là maintenant. D'accord. Alors, dans le film True Lies de James Cameron, quelle est la marque du paquet de cigarettes cachant une mini caméra de surveillance que Albert Gibson cache dans la maison d'Harry Trasker. Donc de Schwarzenegger. Est-ce que c'est un paquet de Philip Morris, de Marlboro, de Lucky Strike ou de Winston? Oh On fait un 50-50? Ouais. Direct. Ouais. 50-50 direct. 50-50? Ouais, ouais. Ah ouais, direct. T'es d'accord ou pas? Oh oui, oui, je suis d'accord. Ok, on y va. Eh ben alors, il vous reste comme proposition Marlboro ou Lucky Strike. Donc, Lucky. Allez. Excusez-moi, j'ai pas... Lucky. Ah, mais Lucky Strike, on a Lucky dit. Lucky Strike, voilà. C'est une très bonne réponse. C'était bien un paquet de Lucky Strike. En fait, Strike. J'ai hésité. Avant d'avoir les quatre, j'aurais mais dit en ça. En fait, voilà, il y a eu la question... J'ai pensé Lucky, mais quand il a cité Philippe, il a cité machin, je me suis dit, putain, ah, ça se trouve, c'est machin. C'est et je me suis dit, avant de donner une réponse, on coupe, et si tu recites Lucky, ça me confirme mais le truc. C'est ouais. Chelou, parce que moi aussi, j'avais Lucky Strike dans la tête avant même qu'ils disent les quatre. Et vrai. Puis je le vois prendre le paquet et le poser. Maintenant, avec on va voir ce qui se passe. Avec le symbole toi. Du rond Lucky sur le paquet. Oui. Ah, mais oui. Ouais, ouais. Bah oui, oui. Et quand j'ai commencé à fumer et que je fumais de Lucky, je pensais à tout là. C'est bien, ça me rappelle des petits souvenirs en même temps. Belle histoire. Du coup, on rappelle que fumer, c'est mal. Oui. Voilà. Et je tiens à signifier, du coup, que nous sommes à égalité. Exactement. En ayant eu une question de plus. C'est, oui. Oui, mais c'est pas grave. Ah, bien! Je me contiens, t'imagines. Moi, j'en connais quatre qui ont pas envie d'avoir un remix techno à la fin de l'émission. Ah, je suis presque déçu, j'ai... là, ça. Ouais. J'ai mal au ventre de tête. Me contenir comme ah, ça. Ah ouais? À un moment, ça va sortir. Bah, de toute façon, on a je des bons pots. Je vais me poser comme ça, je vais me lâcher. Ouais. Ça va y aller, puis je vais finir dans le remix techno, tant pis. Ok. Ouais. Alors, on passe à l'équipe Sophie Marceau. Ah oui. C'est nous. C'est vous. C'est dans le film Twister de Jane de Bond, sorti en 96. Ah, oh, j'adore ce film. Comment s'appelle la machine créée par Joe et Bill Harding, donc Helen Hunt et Bill Paxton? Vous savez, la machine avec toutes les petites boules. Je là, ça m'énerve ouais, comme question. Là, est-ce ça m'énerve. Est-ce qu'elle s'appelle Alexa, Mélanie, Dorothy ou Brittany? On c'est est ça, d'accord c'est Brittany. Que Dorothy aurait vachement de sens. Mais tu sais que c'est celui-là auquel j'ai pensé. Ouais. Et alors, je l'ai pas revu depuis sa sortie. Je l'ai vu au ciné à l'époque. Bah, je l'ai vu au ciné je aussi. Je l'ai pas revu depuis. Mmh, mais Dorothy, avec la référence au Magicien d'Oz. Au Magicien d'Oz. Ouais, ça aurait ouais, vachement ouais. de sens. Nous, déjà, pour que l'émission soit pas trop longue, parce non, qu'on non, est quand même, non, on est consciencieux. On est là. On dit Dorothy. Dorothy. Vous validez Dorothy. On valide. Et c'est une très bonne réponse. C'était bien. Merci beaucoup. Dorothy. Effectivement, c'est une référence au Magicien d'Oz. Et une machine qui est inspirée de la vraie machine qui s'appelait Toto, qui est également une référence au Magicien d'Oz. Ah bah oui, bien joué. C'est le chien. On le savait. C'est ça. Tout ouais. à fait. Dégoûté. Mais je ne râle pas. Non, je ça dis se passe juste bien. Que je suis dégoûté. C'est bien. Mais vous voyez, j'ai instauré ça pour avoir une bonne ambiance. Et c'est vrai. Passe, oui. On a une bonne ambiance. Ça, ouais, ça se passe tout de suite vachement compliqué. Bien. Il faut vous mettre une punition sous le nez pour que vous vous teniez à mais calme. Non, c'est quand même pas croyable. On est tous autour de la même table, une table Vichy. Hein, c'est ouais. vrai. Enfin, c'est avec vrai. La nappe Vichy. C'est vrai. Convivialité. On est chez Bibo et Bibounette. Ouais. Aussi. On s'y croit. C'est vrai. Et puis on est toutes des belles personnes, oui, sympathiques, ça aide. Joyeuses aussi. Et tout. Mais on a surtout une punition qui nous tient à carreau. C'est la première fois que je suis obligé de menacer mes candidats de punition. Enfin, c'est fou, quoi. Ah bah moi j'ai et la trouille, hein. Ouais. Ça marche bien. C'est une bonne, très bonne idée. Vous saurez quoi faire la prochaine fois. Mm-hmm. Ça sera à retenir. Dans... Alors ça va être la pause. On va passer au mini-jeu. D'accord. Alors comme je vous expliquais tout à l'heure, le matériel qu'on a n'est pas optimal, donc il se peut qu'il y ait des petits soucis pour entendre les extraits. Je vais vous montrer, mais normalement, si on se concentre, ça devrait le faire un petit peu. D'accord. D'accord. Ok. Donc je vais vous expliquer avant et puis après vous pourrez mettre les casques. D'accord. Voilà. Donc dans ce mini-jeu, j'ai demandé à notre ami Rémi 2D qu'on aime beaucoup. Coucou tout Rémi. Ça, on est notre ami. Coucou notre Rémi. Ami. Ouais. On en discutera à la fin. Oui. Oui. C'est pas l'ami de tout le monde. Mm-hmm. Donc je lui ai demandé de nous interpréter 4 scènes de films célèbres. Ouais. Pardon. Ok. Donc c'est une épreuve de rapidité qui vous rapportera 1 point par scène trouvée. Ok. Il y a une seule règle. Vous n'avez le droit qu'à une seule proposition. Donc dès qu'une équipe à une idée, vous donne une proposition. Si vous avez faux, c'est automatiquement à l'équipe adverse de est-ce pouvoir... que quand on parle, on dit le nom de notre équipe non, ou pas donnez le... Non, donnez le et nom. Et si jamais la première équipe se plante, que la deuxième équipe d'un truc se plante aussi, est-ce que la première équipe reprend la main? C'est ça, exactement. Jusqu'à voilà. ce qu'on trouve. Demain. D'accord. Jusqu'à ce voilà. qu'on trouve. C'est ça. Ok, okay cool. Demain. Facile. Donc donnez le nom du film, étant donné que Rémi interprète tous les rôles, évitez peut-être de trop parler, à part donner la réponse pour pouvoir vraiment entendre ce qu'il dit. Bien on sûr. Sait très bien que Rémi est... Bah, c'est Rémi. Qu'est-ce quoi. Qu'il est, Rémi? Bah, c'est Rémi. Hein. C'est Rémi. On peut mettre le casque, alors, du coup. Et pour compliquer un peu la tâche, je vais vous dire ça après, nous avons inséré en fond sonore des bandes originales de films qui n'ont absolument rien à voir avec le film en question. Ah ouais, je me disais bien qu'ils feront... Ouais, je me suis dit, ça c'est va... C'est quoi ces conneries? En sachant qu'on a en bruit de fond les balances pour le concert de ce soir... Donc tout va bien se passer. Tout va bien. Alors, je vais pas lancer le premier extrait. Moi, je pourrais pas l'écouter en retour. Désolé si ça va peut-être grésiller un peu au niveau de la musique, mais la voix, normalement, ça sera. D'accord. Ça sera audible. Ok. Ça marche. Donc première proposition. Enfin premier. J'ai dit, touchez pas à l'alarme ou je tire. Ils ont enclenché l'alarme. Alors ils l'ont bien cherché. T'as failli me tuer, sale con. Si j'avais su le genre de mec que t'étais, j'aurais jamais accepté de bosser avec toi. Est-ce que t'aboies tout le temps, petit roquet? Ou est-ce que tu mords? Redis-moi ça. J'ai pas bien entendu. Tu peux répéter? Est-ce que t'aboies tout le temps, petit roquet? Ou est-ce que tu mords? Oh merde, mais vous êtes de connards! Ça bagarre, va? Bagarre! Non mais arrêtez! On n'est pas à la maternelle bagarre. Ici! Y'a que moi qui suis un vrai pro ou quoi? Bon, je vais vraiment tenter pour tenter un truc parce que quand je vois les visages de tout le monde, je me dis franchement qu'on est tous en train de pareiller, tranquille. C'est un peu balèze, hein, franchement. Franchement, entre la musique qui n'a rien à voir avec les paroles, c'est super chaud, plus la balance à côté. Donc on est bien on est bien dispersé. Je vais tenter un flic à la maternelle. Un flic à la maternelle? Non. J'ai tenté quelque chose. Bien sûr. Est-ce que vous avez une proposition, Sophie Marceau? Je sais pas. Y a rien qui me vient. L'arme fatale? Non plus. Non. C'était une scène, je vais vous dire, de Reservoir Dogs. Oh punaise! Petit roquet, c'était ça. C'est ça. Mais oui. Je savais que ça me disait quelque chose. Quoi, donc ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Bah oui. Compliqué, hein. Compliqué. On passe au deuxième? On part sur le deuxième. Oui, avec plaisir. Allez. Alors, on a vraiment la musique de... Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Non, mais attendez, nous n'avons même pas visité le parc. Donald, laissez-le parler. J'allais toucher à Jurassic Park. Très bonne réponse. Je l'ai dit avant. Oui, je l'ai dit avant. Bah oui, je l'ai dit avant. Juste avant. J'ai dit les bouchères Jurassic Park. J'ai dit jus et t'as dit les bouchères. Et pendant ça, j'ai Jurassic Park. On se met un demi-point chacun. Comment je fais là? Je suis un peu embêté. Est-ce qu'on se mettrait pas un demi-point chacun? Oh, c'est beau. Une poignée de main, c'est beau. Putain, mais c'est beau ce qui se passe ici, hein. Oui, il m'a entendu. Là, je suis un peu embêté parce que c'est vrai que j'ai entendu les deux réponses des deux côtés. Très bel esprit. Ouais. C'est une belle partie. Quand en on veut. En plus, je m'en veux d'avoir attendu un peu parce que je me suis dit. Ouais, mais dès la première phrase, j'avais un. Et quand il a dit par que j'ai vu. Oui, bah là, c'était sûr. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est bien. T'es dégoûté parce que tu sais que je l'ai dit avant, je sais. J'ai envie de râler. D'accord. C'est pas ton genre. Alors, est-ce qu'on passe au troisième extrait, pardon? Oui, bien sûr. Allez. Oui, bien sûr, dans la joie et dans la bonne humeur. C'est parti. Ça baisse. Io non credo che hai una Astérix et Obélix mais sur Cléopâtre. Eh ben c'est une très bonne réponse. Bien joué. Ouais. Alors là très fort. Incroyable. Espagnol LV2. Ah ouais, ça aide. Ah, explique-nous comment t'as pu trouver ça aussi rapidement. Ah d'accord, ok. Ah ouais. Ok. Et donc c'était bien le speed de, vous savez, d'Edouard Baer où il dit je ne sais plus exactement ce qu'il dit d'ailleurs, mais là, je crois qu'il n'y a pas de bonne. Voilà, exactement. Ah, c'est, voilà, ça, c'est ça, en espagnol. Oui. Oh merde. Donc, on joue dans des langues étrangères maintenant? Oui. Donc, c'est possible. D'accord. Ok. Ça roule. Non, mais c'est bien. Ça marche. Ok. J'ai une foule d'idées pour les prochains quiz. D'accord. A lot. Ok. Soyez pas déçus parce que ça va être vraiment tourné. La Deutsche Qualität, hein. On va y arriver, hein. Ok. Bon, on passe au... C'est un bon jeu. Quatrième extrait. Oui, s'il te plaît. Ah, je suis de très bonne humeur. Allez. Ah ouais, bah c'est ça bien. A l'air, ouais. Je passe un très bon moment. Cet homme triche en plus, la vache, je suis sûr. Il y a quelqu'un ? Quelqu'un ? Qui a dit ça ? Ne fais pas l'innocent, c'est moi. Tu le sais depuis toujours. True Lies. Non. Suis le filet de sueur froide qui coule le long de ton dos. Je suis là. Oh, je n'y comprends rien. As-tu vraiment cru que c'était une coïncidence? Non, pas la main, je suis désolé. Pour toi, rien que pour toi. Ah, pardon. Que voulez-vous ? Dire tout ce que tu refuses de dire, faire tout ce dont tu es incapable, supprimer ceux qui se dressent sur ton chemin. Le comité de direction assassiné ? On peut reprendre Vous avez tué ces hommes ? Non, nous avons tué ces hommes. Tu ne te souviens pas de ce petit accident dans le laboratoire ? Oh. La stimulation de performance. Bingo. Batman. Moi. Mauvaise la plus grande création pour que tous tes désirs soient enfin à ta portée. Un pouvoir bien plus. Il faut attendre maintenant une proposition de l'équipe adverse pour la faire. Et tout cela ne fait que commencer. Les bouchères. Un seul être au monde est de taille à vaincre. Mais imagine qu'il se joigne à nous. Il le fait bien. Mmh. Oui, carrément. Il le fait bien. Il est doué, ce Rémi. Il est très, très bon. Je tourne en boucle. Vas-y, dis-le. Tu l'as ? C'est le premier Spider-Man de Sam Rémi. C'est exactement ça. Ouais. Je tourne en boucle, en fait. C'est avec un seul être vaincra et après, je tourne. Mmh. Alors, est-ce qu'on accorde quand même le point, même si c'était pas à vous de répondre ? Je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, si, c'est vrai. Un demi plus un demi. Bah, c'est sympa, non? Ouais, moi, je trouve que c'est fair play. C'est fair play. C'est fair play. C'est tout à votre honneur. Je vous accorde un demi. C'est vrai, non, c'est vrai. Ta montée t'honore. Oui. Après, je peux très bien dire zéro, c'était pas beaucoup aussi. Oui, c'est vrai. On fait ça aussi. Non, mais moi, j'aurais pas trouvé, de toute façon. Donc, un demi plus un demi. Je vous ai dit que j'étais nulle en cinéma. C'est peut-être le moment. En fait. C'était vous ouais, c'est, ah ouais, c'est un bon moment pour parler de ça. Merci beaucoup. On s'en rappellera. C'est fair play quand même. Oui, oui, vraiment. Du coup, je suis à 4 pour les Sophie Marceau à cause de 1,5 plus 1,5. Ça se passe bien, ça se passe bien. Je passe un bon moment. je suis très détendue. Bah, c'est bien, je suis content. Oui, je suis. Et nous, 1, ouais. Demi. Enfin, 1 et demi. Oui. C'est ça, merci, exactement ça. Ouais. C'est adorable de relever ce petit demi. Qui pourra faire toute la différence à la fin. Tout à fait, tout à fait. On va reprendre les questions et c'est à toi ou c'est à moi ? Peu importe. J'avais commencé ? Oui. Donc c'est à moi ? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, les bouchères de l'Est. On y va. C'est l'heure de... La question coquinou. Quand tu mets cette tête, là, c'est la question coquinou, c'est sûr. Ça existe vraiment. Mais oui, c'est la question coquinou. Oui, c'est ça. Qui sont ces gens? Ouh. Caliente. Ah, tu vois que tu parles espagnol. Je vais dire deux trucs en espagnol. Caliente et Morito. Waouh. Le mec, il déchiffre tout un film en espagnol, quoi. Oui, oui, trouve des excuses. Je ne m'énerverai pas. Je ne râlerai pas. Vas-y, on t'écoute. Lequel de ces quatre titres de film n'est pas un titre de film coquinou. D'accord. Je m'excuse par avance. D'accord. Est-ce que c'est Mamie fait de la résistance? D'accord. Est-ce que c'est Banane mécanique? N'est pas un film coquin. N'est pas un film. On est d'accord. Est-ce que c'est Rodéo sur Juliette? Oh la vache. Ou est-ce que c'est Coupe-toi les ongles et passe-moi le beurre? Je crains le pire. Mais non, c'est beau. Ah, je crains le pire sur Coupe-toi les ongles et passe-moi le beurre. Oh, même si j'ai une forte attirance pour dire ce film-là qui n'est pas un film coquin. Ouais, parce que pareil, vraiment... mais en fait, si c'en est vraiment un, c'est vraiment dégueulasse. Dégueulasse. Coupe-toi les ongles et passe-moi le beurre. Bah, en fait, surtout, je me demande qui a envie de voir un film qui a ce titre-là, quoi. C'est encore. Alors, on a Mamie du fait de la résistance, ça peut poser des questions sur la personne qui a vu le film aussi. Le deuxième, c'était... C'était Banane mécanique. Oui, bon, quelqu'un qui aime les fruits, 5 fruits et légumes par jour, pourquoi pas. Et Rodéo sur Juliette. Oui, ça, c'est mignon, ça. Ouais, ça me choque pas. Petite parodie de Roméo et Juliette. Oui, ah oui, pourquoi pas. Bon, allez. Allez, celui-là, c'est un vrai film coquille, on va dire. Ouais, je suis d'accord. Coupe-moi les ongles et passe-moi le beurre. Je sais pas pourquoi je sens que c'en est un, en fait. Je sais pas Ah, je le sens mal, coupe-moi les ongles et passe-moi le beurre. T'hésites entre le 1 et le 4, en fait. Ouais, grave. Hein. Ouais, pareil. Attends, sérieux, on hésite vraiment entre Mamie et coupe-moi les ongles et passe-moi le beurre. Hein. Ouais. Ça devient bizarre. En fait, c'est série. Tellement... Ça bizarre, en fait, si tu veux, c'est tellement étrange comme titre. Je me dis, c'est possible que ce soit vrai, quoi. Mais Mamie faire de la résistance, c'est un... Rappelle-moi le sujet des... C'est Papy. Le thème c'est de l'émission, c'est Troll. Exact. Oui, c'est Troll. On s'est fait avoir hein pour la première à cause c'est de vrai. Ça. Tout à fait. Enfin, tu, moi j'ai moi, c'est répondu. Alors, toi tu t'es fait avoir aux deux autres après. Ouais, donc oui, voilà. On fait quoi là du coup? Moi honnêtement, je suis pas sûr, mais je pense avoir la bonne réponse. T'as une idée? Je pense avoir la bonne réponse parce que il y a un titre, c'est un truc, c'est pas un film et c'est pas coquin. Donc moi il y en a un. Alors peut-être que ça a été repris pour faire un film et là auquel cas je m'en excuse, mais il y en a un, c'est sûr et certain, en c'est le titre d'une BD et ça reste que 3 questions après. Il y a rien de pornographique encore le là-dedans. Joker Ouais, j'avoue. Vous pouvez demander l'avis docteur Zagus. Moi les ongles et passe-moi le beurre, ils viennent nous donner à moitié sans utiliser le Joker que c'était peut-être un titre de bande dessinée et alors qu'on a même pas utilisé le Joker. Ah, j'ai pas dit que c'était celui-là. J'ai pas dit que c'était celui-là. Peut-être. Oh, on fait quoi? On prend un Joker ou ceci pas? Ceci dit, Mamie fait de la résistance, du coup, ça peut être un titre de BD. Joker ou pas? Ou on y va au feeling? Ah, on et c'est quoi le Joker qu'on a? C'est de leur demander leur avis? Ben, on l'a déjà. Enfin, ils vont nous dire quoi? C'est pas... Non, mais vous allez nous dire quoi? Ah, ben non, mais moi je peux te faire une réponse aucun problème. Tu veux que je râle? T'as pas commencé à me faire chier, hein? On est à la limite. Ça, c'est limite, mais putain, il faut faire quoi, en fait? Là, tu râles? Non, mais non! Mais quoi? Je vais être obligé de prendre des bons, là. Je suis désolé, mais Ah. Non, mais. Il y a une provocation. Il y a provocation entre les deux, hein. Mais pas du tout. This is not a method. This is provocation. Please, this moment, please, ladies and gentlemen. Moi, je propose qu'on se le joue à plouf plouf. Une ou quatre. C'est une technique. Ouais, aussi. Ouais. C'est vrai. Alors, moi, je choisis Mamie. Toi, tu choisis les ongles. Les ongles. Allez, vas-y, plouf. Ah, tu plouf plouf comme ça, toi. Moi, pas du tout. Moi, c'est. Non. Ah oui. C'est bien, ça, c'est pas du tout. Donc, c'est elle, pas donc, du tout elle, visuel, c'est voilà, podcast audio. Oui, donc, Fanny voilà, a tenté un chiffre. C'est Mamie. Voilà. Vous validez Mamie fait de la résistance. Ah ouais. Bah voilà, on a pris ça. Et c'est une bonne réponse. Oh putain. Ouais. Oh putain, je donc, le savais. Elle a gagné. Un, donc, c'est un film qui s'appelle Banane Métallique. On a bien fait tricher à plouf plouf pour être sûr de tomber sur la bonne réponse. Comme quoi, tricher à plouf plouf, ça marche toujours. Effectivement, il y a un film qui s'appelle Banane Mécanique, Rodéo sur Juliette. Ah oui, non, mais non, c'est Banane Métallique, Franck Margerin. C'est vrai. Mais donc, okay, coupe-toi les ongles et passe-moi le beurre, ça existe. Okay. Je suis au regret de te dire que oui. Bah, en même temps, Franck Margerin, c'est l'esprit, quoi. Passe alors, le je serais curieuse et en même temps, non. Non. Parce que toi, si. Il a fait des recherches pour cette... Je fais des recherches très scrupuleusement et non. Est-ce que tu as vomi? Donc, Mamie fait de la résistance, ça n'existe pas. Alors, Mamie fait de la résistance est un documentaire sur la crise économique américaine vu par des octogénaires. Ah. Qui, il paraît, est génial. D'accord. Ok. Donc, loin de là, le film coquinou. Oublie pas de nous rajouter un point sur la feuille, c'est là. Ah, ok, c'est cool. Attention. Attention. C'est important. J'ai envie. Tu râles et qu'on perde un bon de râlage. Alors, les Sophie, vous êtes prêtes? Hein? Oui. Elles vont râler, elles vont râler. Ghostbusters. Ah. Ah, c'est ça... du troll, hein. Fais gaffe. Oui, oui, c'est vrai. Oublie pas, troll. De quelle matière est fait le toit de l'immeuble pour permettre une meilleure conductivité afin de faire venir via un portail dimensionnel Gozer et toute sa clique? Matière dont nous apprenons le nom dans le dernier Ghostbuster, Afterlife. C'est du bac acier. Est-ce que c'est... ça, c'est sûr, c'est bac acier. C'est sûr, c'est sûr. Non. Ça... Les auditrices et les auditeurs vont rien comprendre. Non, c'est clair. C'est bien lisse, ça adhère aussi, c'est nickel. C'est ça. Est-ce que c'est du sélénium, du thallium, du palladium du gozerium? Allez-y, on vous regarde. Allez, on y va, là. Enfin, on vous écoute. Calmement. Donc tu dis que le nom, on l'apprend dans Afterlife. On l'apprend dans Afterlife parce que, à ma connaissance, on n'apprend pas la matière du toit dans le premier. Il dit juste que c'est conducteur dans le premier, je crois. C'est un, c'est en VO ou en VF? Dans tu vas pas recommencer. J'ai vérifié parce que je m'attendais à cette perfidie, docteur Zaius. Ah, tu es connu pour ça. Excellent. Et j'ai vérifié et c'est bien dans les deux. Ok. De toute façon, je l'ai vu en VF parce que je l'ai vu avec mon fils. Donc, As-tu pleuré à la fin du film? Eh, honnêtement, j'avais la larmichette. Hein, j'avais la larmichette, ouais. Alors moi, j'avais le masque détrempé. J'ai dû expliquer à mon fils et tout, parce que lui, il avait pas la référence, forcément. J'ai dû expliquer pourquoi c'était la fin, était quand même, Ça fait bizarre. Émouvante. Hein, j'avais la gorge serrée, honnêtement. Et puis tu sens qu'elle monte, tu sais que t'as qui. Oui. Non, je vais pas pleurer. Oui. Mon fils a pas compris pourquoi j'étais en sanglots, moi. Bah ouais, non, mais évidemment. Évidemment. Mais, pour une fois qu'il y a un beau film, qui reprend pas trop jusqu'il faut. C'était bien. Ah, c'était cool. Mais c'était du coup, avez-vous la réponse? Alors, sélénium, thallium, palladium ou gozerium? Gozerium, ça me semble trop évident, mais... Ouais. Gozer, le grand voyageur. Putain, pourtant, on l'a vu il y a pas longtemps. Et qui vous dit qu'un mec fan de SOS Fantôme n'a pas trouvé un élément et a donné son nom dessus? Que quand vous regardez le tableau périodique des éléments, il y a des noms bizarres. Donc tu l'aides, non, en fait. Non, je dis juste que... mais clairement, tu l'aides, en fait. Non, je l'aide pas. Je veux bien même donner un bon tralage, parce que là, franchement, non, là, c'est un petit peu... Non, au contraire, il était en train d'enlever une réponse. J'ai dit, attention. Ouais, bah oui. Attention. On ne sait jamais si je peux t'aider ou pas. On ne sait jamais. Voilà, en vrai, là, j'en ai aucune idée. Vous avez qu'à gaspiller vos jokers? Bah ouais. Nous, on en a déjà utilisé un. Est-ce que le 50-50 va beaucoup nous aider? Non, oui, demandez-nous à nous. Un petit peu quand même. Il faut qu'il fasse appel à un ami. Bah, non, oui. Faites appel à nous. On va vous aider. Et nous, on a la réponse. Non, alors là, c'est sûr que non. Ah, si, vous demandez à vous. Non. Si, nous, on sait. Sachant que moi, sur ma dernière question, vous ne pourrez pas utiliser de joker. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Ah ouais, c'est dans longtemps. Bah là, c'est déjà la... Non, c'est dans pas longtemps. Ah ouais, c'est dans pas longtemps. On prend le 50-50 alors. Ouais. Vous prenez le 50-50? Oui, bah oui. Je vous laisse le sélénium et le palladium. Oui, donc tu les as bien aidés en fait. Non. C'est bien ce que je dis. C'est quoi, je te donne mon bon tralage parce que j'avais envie de dire le palladium depuis le début, mais tu les as enlevé le gozerium, mais je leur ai dit surtout ne l'enlevez pas. Oui, mais donc tu les aides. Bah non, parce que c'était une mauvaise réponse. Oui, donc tu les as aidés, c'est bien ce que je dis. Et je tu l'as donné? Oui, je râle ouvertement. Parce que là, franchement, je trouve que oui, un des présentateurs aide ouvertement une équipe et je trouve ça inadmissible. C'est un très beau. Non, mais c'est bien que tu le reconnaisses que ça peut arriver. Oui, voilà. Complètement. Et je suis complètement je crie injustice à cette partie parce qu'en plus on a que 2,5 points. Et voilà. Voilà. Jusqu'au bout, je râle parce que j'utilise mon bon jusqu'au bout. Voilà. Bon, nous allons répondre. Alors, ça va mieux. Ça va mieux. Vous validez Palladium? Oui. Et c'est une mauvaise réponse. Ah, c'était pas ça. C'était le sélénium. C'était du sélénium. C'était du sélénium. Ah, donc du coup, vous avez perdu. Oui. Ils ont perdu. Mais tu vas voir, si t'en lâches un, comment ça fait du bien de râler d'un coup, tu vas voir. Et franchement, dire plein de trucs et tout. Même des trucs qui n'ont pas de rapport, tu vas voir, ça fait du bien. Tu peux en profiter pour placer les trucs. Excellent, c'est génial. Tu vas râler pour un truc de hier. Ah oui. D'ailleurs, à propos de ça, justement. Maintenant qu'on en est là avec le bon de râlage, je tenais à te dire, au fait. Excellent. On pourra garder les bons de râlage après pour la maison ou pas? Ils sont beaux. Ah. On pourra les utiliser chez nous. Oui, voilà. Ah ouais. Et on vous les envoie une fois qu'on les a utilisés. Non, c'est ça vous ah pourrez bah, les. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans un contexte professionnel? Ça m'intéresse comme réponse. Ça m'intéresse parce que je suis un peu à la limite en ce moment du criquage émotionnel. Alors juste pour info, les deux questions de Bibou, ce sont que les deux dernières. Vous pouvez utiliser vos jokers. D'accord. Il vous reste à chacun c'est l'avis ça. De l'équipe adverse. D'accord. Ah oui. Ok, c'est les deux dernières questions. Notez qu'on a eu beaucoup de bonnes réponses et même des fois quand on s'est trompé, on était quand même pas loin de la bonne. Bah moi il me reste une question. Non mais c'est pas une question de deux. Qu'est-ce qu'il dit Quand on avait faux, on avait presque juste. Que vous avez juste faux. Ça n'a rien à voir. Si tu veux râler, Kikrine, vas-y, lâche un bond, tu vas voir, ça fait du bien. Bah, je trouve que les gens de droite sont de très mauvaise foi. Mais putain, on n'est pas de droite, on est. Tu es à ma droite, je suis désolée. Oui, la table est ronde. La table est ronde, il n'y a pas de gauche et de droite. Il n'y a pas de gauche et de droite, voilà. On est techniquement aussi à gauche. Il y a toujours une gauche et une droite. Il miaule de nouveau, t'as raison. Il miaule. Je veux dire, d'ailleurs, personne ne miaule. Moi, je pense qu'on devrait considérer les choses du point de vue des présentateurs. Auquel cas, Jérôme et moi sommes à gauche. Absolument. Ouais. C'est un fait. C'est très important qu'on parle de ça. On est toujours à la droite de quelqu'un, au final. Et manifestement, c'est vous. Est-ce qu'on repartirait pas sur les questions? Oui, tiens. Ah, il y a des questions aussi. Pour les bouchères de l'Est. Oui, on t'écoute. Quel acteur de film d'action peut-on apercevoir dans une scène d'un film sur le point de se faire changer la couche par sa maman comme un gros bébé? Est-ce que c'est Schwarzenegger, Steven Seagal, Sylvester Stallone ou Jean-Claude Van Damme? Est-ce que vous voulez que je vous répète la question et les propositions? Vas-y, oui, tout à fait. Je répète tout? Oui, s'il te plaît. D'accord. Si, ça quel acteur de film d'action célèbre, donc, peut-on apercevoir dans une scène d'un film sur le point de se faire changer la couche par sa maman comme un gros bébé? Est-ce que c'est Arnold, Schwarzenegger, Steven Seagal, Sylvester Stallone ou Jean-Claude Van Damme? J'ai une grosse hésitation entre deux, les deux derniers. Et parce que t'as l'image de ce film en tête. Je vois le changement de couche comme un gros bébé. Ah ouais. Juste pour savoir est-ce que l'équipe en face à la réponse ou pas. Oui. Oui, d'accord. Bah sinon on demande leur avis vu que. C'est la dernière, c'est l'avant-dernière. L'avant-dernière, vous pouvez utiliser votre joker. Moi, je pense que ça pourrait être bien. Et la dernière, on peut pas utiliser le joker. C'est ça. Bah, la dernière à moi, il en reste encore une après. Ouais. On fait quoi? C'est compliqué votre truc. Ouais, complètement. Il y a Anguille Souroche là-dessus. J'achète un E. Consonne. Bah, oui, allez. Oui. Utilisons le joker si nous vous demandons votre avis. Tu l'as, toi? Alors, sont-elles de belles personnes? Okay. Jérôme, il a dit qu'il savait. Oui, je sais, bien sûr. C'est Sylvester Stallone dans Arrête où ma mère va tirer. C'est ça. Il y a sa mère dans Arrête où ma mère va tirer. J'étais partie sur ce film-là également. Mm. Et donc, j'étais aussi partie sur Stallone. Donc, vous validez? Moi, je suis assez d'accord. Kikrine? Ah ben, je sais pas si on peut faire confiance à Jérôme, mais comme on n'a pas le choix. On pourrait pas. Est-ce qu'on n'a pas le choix? Oui, mais on n'a pas le choix. Moi, je pense que même sans faire confiance, en disant on fait confiance à Jérôme, il a juste confirmé mon intuition. On peut partir là-dessus. On va partir sur Stallone, Arrête où ma mère va tirer. Et ben, vous avez eu raison de lui faire confiance parce que c'est... Non, c'était juste ma première intuition qui l'a confirmé. Ça, c'est on a juste gaspillé un joker. Ça, c'est méchant, ça. Oui, pour confirmer mon intuition, okay. Tout à fait. Alors, c'est une bonne réponse, mais là, ouais, ok. Ouais, voilà, c'était juste pour confirmer mon intuition, tout à fait. Et en vrai, j'en savais rien du tout. C'est ouais, mais en tout cas, ça a confirmé mon intuition. J'étais pas sûr, ça me d'accord. paraissait plausible. Non, c'est aussi que c'est un enculé. C'est que moi-même, j'ai pas vu depuis très longtemps, c'est la scène je te le dire. D'un rêve dans le film où, Ah, c'est un rêve. Oui, c'est ça. Je n'avais aucun souvenir. Bah, vraiment, aucune idée. C'était moi, je voyais bien Stallone complet. Se faire changer la couche. Bon. Moi, j'ai été honnête. Hein. Ok. Mais c'est bravo, pas que tu Jérôme, confirmé tu es une ressenti. Belle personne. Tu as donné la bonne réponse. Mais oui, alors non, voilà. Il n'a pas donné la bonne réponse. Si, il a juste confirmé mon intuition. Techniquement, si. Non, parce que j'avais exactement cette réponse-là. Je voyais exactement le même. T'étais film. Pas sûr du si, tout, si, mais c'est du tout, du tout. Ah si, j'avais confiance. Je pense que les Françaises et les Français ont vu qu'on passe à la question suivante. Alors, une question pour Sophie Marceau. Lequel ou laquelle de ces acteurs ou actrices n'existe pas? Rory Culkin, frère de Kieran, Quinn et Macaulay Culkin. Richmond Arquette, frère de Patricia, Rosanna, Alexis et David Arquette. Henriette Baldwin, sœur de Alec, Daniel, William et Stephen Baldwin. Je suis sûr qu'il y aurait les Baldwin. Peter Douglas, frère d'Eric Douglas, demi-frère de Joël et Michael Douglas, fils de Kirk Douglas. J'ai déjà perdu là. Ouais, je sais que Rory Culkin existe. Je suis quasiment sûr de celui-là. Mais alors, on l'élimine. Enfin, j'espère. Parce que moi, j'en ai pas la moindre putain d'idée. Ah ouais, d'accord. Élimine celui-là. Les donc autres. Donc là, clairement, t'as fait les Baldwin, les Douglas, les Culkin. J'ai fait les Culkin, les Arquette, les Baldwin les et Arquette. Les Douglas. Les Arquette, ils sont un sacré tripoté. Hein. Ah ouais? Ah, les Arquette, c'est, ils j'en sont au minimum. Deux. Ah bon, pourquoi je parle? Merci. c'est très intéressant. Toujours aimé, mais pourquoi je parle? Ça va, Kikrine? Ah ben. Alors, je répète juste oui, les quatre propositions sans citer forcément les familles. Lequel n'existe ou laquelle n'existe pas, Rory Culkin, Richmond Arquette, Henriette Baldwin ou Peter Douglas. J'en ai pas la moindre idée. Je sais pas du tout. Excusez-moi pour cette question. Ouais. Ça sera pas la pire forcément, mais ça sera pas la pire. Il sachant qu'il leur reste pas beaucoup. Coup. Oui, c'est très inquiétant. Il leur reste des jokers. Il vous reste un joker. Il vous reste un. Ouais, votre avis en fait. Je pense pas que l'équipe adverse ait la réponse. On va se la garder pour une autre. Ouais, ouais, pareil. Je suis assez d'accord. Avec cette stratégie. Ouais, non, honnêtement, le. Parce que Bibou Net. Un peu les familles, tout ça. Donc tu penses avoir la réponse. Ouais, ça entre peut les être. Les Arquette et les Douglas et ça tout. Ouais, être... quand même, ouais. Donc tu as la réponse. Bah. D'accord. Juste pour que l'équipe adverse. J'ai pas envie de dire que j'ai la réponse, mais je pourrais juste aider l'équipe adverse. Juste pour nous faire chier. Moi, je dis elle bluffe. Ah. Oui, elle bluffe complet. Si tu veux. Elle bluffe. J'ai pas de manche, je ne peux pas bluffer. Elle bluffe Marconi. Ah non, je ne bluffe pas. Moi, je dis qu'elle bluffe. Vous pouvez demander à Bibou, elle a plus de genoux. Elle a dit qu'elle a plus de genoux. Je sais pas, on en dit un au pif. Ouais, grave. Franchement. J'ai envie de dire Arquette au pif, mais alors vraiment, c'est du méga pif. Richmond Arquette. Ah non, attends, c'est, n'existe pas. N'existe pas. Je vais vous le répéter une troisième fois. Rory Culkin, Richmond Arquette, Henriette Baldwin ou Peter Douglas. Le nom, attends, faudrait réfléchir à quel est le plus facile à inventer. Moi, Peter Douglas, Peter c'est le plus Douglas. Facile à inventer. Ouais, Peter Douglas, il sonne bien bidon quand même. Ouais. À moins qu'ils essayent de nous induire en erreur, machin. Alors ouais, j'ai pensé que t'allais exactement dire ça et que justement j'ai fait exactement l'inverse. Mais peut-être que t'as pensé que j'allais penser. C'est Inception ce jeu. C'est ça. C'est possible. Ouais. C'est un épisode troll. Ouais, allez, oui, Peter Douglas. Oui. Peter Douglas. Ouais, Peter Douglas. Validé Peter Douglas. Ouais. Et non, il existe en fait Peter Douglas. C'est bien c'est le frère d'Eric Douglas. Non, qui n'existe pas, c'est Henriette Baldwin. Ah bah tu vois, moi j'aurais dit Richmond. Bon, on avait donc en tous les cas zéro regret. Ouais. OK. Voilà. Merci de l'information. Pas de souci. OK. Tu me redemandes dans un quart d'heure, je sais déjà plus. Tu m'étonnes. Oui, moi non plus hein, d'ailleurs. Alors, les bouchères. Il paraît que toutes les deux, vous aimez bien un film qui s'appelle Le Roi Lion. Ok. Ouais. Attends, moi je sens la question qui pue, qui arrive. Ah là. Bah complètement, non, complètement. C'est pas mon genre. Parmi ces 7 affirmations sur Le Roi Lion. Prenez des notes. Prenez des notes. Non, ça va aller vite. Ah si, il fait comme la dernière fois, dans le sac à dos, il a un courant d'air, un tiroir à ciseaux. Et 4 clémentines. À la fin, je sais plus comment je m'appelais. Tu m'étonnes. Combien de ces 7 affirmations sont fausses? Ah, combien? Ah. D'accord, ok. De ces 7? Ouais. Oui, ça va aller vite. Le Roi Lion est inspiré par une pièce de William Shakespeare. Il y a un lien avec le film Un prince à New York avec Eddie Murphy dans les années 80. Non. Le titre du film aura dû être Le Roi de la Jungle. Mais les lions ne vivent pas dans la jungle, mais dans la savane. Donc forcément, ils ont enlevé le titre du film « Le roi de la jungle ». Lorsqu'on en entend le rugissement d'un lion, c'est en fait celui d'un tigre, car il rugisse beaucoup plus fort que les lions. Les prénoms Simba, Sarabi, Rafiki et Pumba, qui sont des mots en swahili, signifient respectivement « lion »,« mirage »,« ami » et « stupide ». Ça, c'est possible aussi, ouais. La scène où Simba se fait poursuivre par un troupeau de gnous et qui a pour conséquence la mort de Mufasa a nécessité près de 3 ans pour être animée, alors qu'à l'écran, elle ne dure que 2 minutes et 30 secondes. C'est possible aussi. Et Pumba est le premier personnage des studios Disney à péter. dans un des films. Ça, c'est possible aussi. Ça, c'est possible aussi. Donc, ouais. Ça serait une des premières en haut. Donc, on est d'accord que sur les 7, il y en a une qui est fausse. Non, sur les 7, combien? Il y en a plusieurs. Combien sont fausses? Je vous demande pas lesquelles. On est obligé de dire qu'on, on n'est pas obligé de dire lesquelles. On peut dire 2. Donc, il y en a 7. C'est une bonne méthode. Et sur les 7, je veux savoir combien sont fausses. Okay. Moi, je dis, il y en a au moins 2. Et je comprends, là, tu peux pas faire le 50-50, là. C'est compliqué. 3,5. Oui, c'est vrai. Ce que je redoute, c'est ce qu'on va se manger, nous. Petites minutes. Vous avez qu'à parler pendant ce temps. Vous avez qu'à faire la musique des chiffres et des... Ou de chanter le Roi Lion. Ah non, pour voilà. Vous, ça va encore un petit peu après. Plus ou moins. De quoi? Ok. Ça promet. Okay. Ouais. Ça va être intéressant. Non, non, pas du tout. Non. Très sage. Ouais, je vois. Bah oui. Ouais, je vois la question qu'elles ont. Donc. Ah bah on va lui faire tout répéter. Et puis on note au fur et à mesure. Ouais. Tu mettras un petit fond sonore? Ouais, je mettrai une petite musique, ouais. Tu viens en Très bon choix de questions pour faire une émission courte. Ça, par contre, je suis, oui. Ouais, je suis d'accord. Salut. Ah oui, là, oui. Salut. Oui. J'avais pas pensé à ça. En fait. Belle préparation. Ce qui est bien, c'est que vous avez la même qui suit derrière. Mais c'est sûr. C'est pour ça que... J'ai aucun doute. On tend un peu le dos, là. Je pense qu'elle ira plus vite. Moi, je tenterai trop. Ah oui. Ça me fait peur. Ça dépend si on parle de la VF ou de la VO. T'avais dit que ça irait vite. Hein. Jamais de plus jamais de questions VF, VO. En fait, je me dis pas. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Je me dis, attends, il est assez tordu pour nous faire un truc ultra tordu. Voilà, c'est exactement ça. En fait, on est assez d'accord avec Ikrine. Et au début, on était parti pour 3. Et en fait, on est assez joueuse et on voit que tu es assez perfide. Moi? Oui, ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. J'ai pas droit à un bon. Et en fait, on est assez joueuse. Bah. Ouais, on est joueuse. Et en fait, on va dire toutes. Elles sont toutes fausses. Bah, pourquoi pas? Tu serais peut-être tordue comme ça. Hein. Oh, c'est possible. Ou pas. Tout a l'air chelou, de toute façon. Tout a l'air chelou. Trois ou toutes? Tu fais plouf plouf ce coup-ci, c'est toi. C'est moi qui fais plouf. C'est toi qui fais plouf plouf. Alors, le dernier plouf plouf, on a eu un point, fais gaffe. Trois là et toutes là. Ça sera la bonne. Trois. C'est une mauvaise réponse. C'était toutes? C'était aucune. Ah oh la vache. Bon ben c'est bien, on n'a pas de regrets. Oh, pas de regrets. Ouais. Par contre, non, je suis très contente parce que on a quand même un peu trouvé la réponse. Parce qu'on était partis sur toutes. Oui, voilà, on s'est dit c'est tordu, donc on avait quand même bien trouvé que c'était tordu. Exactement. Donc on s'est dit toutes, mais en fait c'était aucune. On est quand même d'accord que Dallas c'est tordu. C'est tordu. Ok. Complètement. Le final de tout était vrai ou tout était faux? Tout était vrai. Tout était vrai. Tout était vrai. Hallucinant. Incroyable. On reprendra toutes ces notes. Alors, juste pour info, Shakespeare, c'est Hamlet, bien entendu. Ah, mais oui. Le crâne, ah, oui. L'oncle, l'assassin, etc. Ah, oui. Et le lien avec le film Un prince à New York, c'est que les doubleurs de Mufasa et de sa femme, dont j'ai perdu le nom, je l'ai pas noté, sont les mêmes que le roi et la reine dans Un prince à New York. Ok, donc, d'accord. Il y a quand même une question avec la VF. Ouais. Ah, encore une fois, voilà, on revient vrai. En fait toujours au même endroit. C'est James Earl Jones. On retiendra que Yannick est tordu. Alors, Yannick est tordu. Oui, j'assume. On retiendra de cette histoire que Yannick est tordu. Oui, là-dessus on est tous d'accord. Et ça, c'était une bonne réponse. Moi, j'attendrai la fin du quiz pour le dire. Ah, puis, c'était une bonne réponse. On vendra l'âge, Zayus, les gars. Yannick est tordu, un point. Ah ouais, Yannick est tordu, un point ou un demi-point, comme ça du coup. Un demi-point, ça nous fait. Comment ça, un demi-point? On tombe à 4. Comme ils nous en devaient un. On existe. Comme ils nous en devaient un demi, et ben on est bon. Mais non. Mais si. Et du coup là, on retombe à 4. Tu réécouteras l'émission. Non. Si. Oui, on y va. Ouais. Alors, les Sophie Marceau, parmi ces 7 affirmations sur le film Last Action Hero, combien sont fausses? Le nom du cinéma au début du film est Pandora. Les jaquettes du film qu'on peut voir lorsque Jack Slater va dans un vidéoclub, on peut voir The Thing, Die Hard, À la poursuite d'Octobre Rouge. Il y a marqué Acme sur la porte du vidéoclub et sur la caisse de dynamite au début du film. Ça, je crois que c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. À un moment donné dans le film, on entend le petit riff de guitare de L'Arme fatale. Oui. Ça me dit quelque chose, ouais. Dans le commissariat, on peut croiser Sharon Stone, le T-1000, un flic rabbin, le lieutenant s'appelle Decker, un flic en chat animé et Humphrey Bogart. Tout à fait. La mort sort du film Au seuil de la vie, d'Ingmar Bergman. Non, c'est le septième saut, j'en suis sûr. Et Danny DeVito est au générique du film. Combien sont fausses? Danny DeVito. C'est possible qu'on le voit à Hollywood à la fin, à la première, parce qu'on voit plein de gens. Dans le monde. Bah ouais, c'est ça, c'est chaud. On voit même, les jaquettes de films, moi, incapable de dire si c'est vrai ou faux. Je crois, Octobre Rouge, ça me dit quelque chose. Et faudrait voir avec les dates. Est-ce que c'est possible? Il est sorti en 93. Donc, c'est possible. Octobre Rouge, c'est possible. Et l'autre, je sais même plus ce que c'était. C'était Die Hard? Non. C'est quoi l'autre film? C'est Octobre Rouge? The Thing, Die Hard et À la poursuite d'Octobre Rouge. Die Hard, je sais pas. Mais en même temps. Bonjour Pépé. Coucou Pépé. Faisable. Ouais. Là, moi je suis vraiment perplexe. C'est dur. Mais il y en a une où je suis sûr qu'elle est fausse. Je crois. C'est la mort. T'as dit qu'il sortait du film Au seuil de la vie d'Ingmar Bergman. Hein, pour moi, il sort du septième saut de Ingmar Bergman. Ça veut dire que c'est vraiment tordu. Ouais, mais il y a un problème avec. Ouais, je suis assez d'accord avec Jérôme. Il y en a au moins une de fausse, je dirais. Il va un chiffre exact. La mort. Ah oui. Il y a combien de propositions tu nous as fait? Sept. Donc sur les sept, combien sont fausses? Sont fausses. Entre 0 et 7. Comme nous tout à l'heure. D'accord. T'es même pas obligé de dire laquelle est fausse. Oui, fait. Non, ça c'est bien, c'est vrai. Oui, il faut juste un chiffre. Tu peux les redire vite fait, genre juste le mot-clé. Le nom du cinéma, au début du film, c'est le Pandora. Aucune idée. Les jaquettes, The Thing, Die Hard et À la poursuite d'Octobre Rouge. Probable. Il y a marqué Acme sur la porte du vidéoclub et sur la caisse de dynamite au début du film. Il y a marqué Acme quelque part dans le film, c'est sûr. Mais si ça se trouve, c'est... Ouais, c'est peut-être pas là. Ouais. On entend le petit riff de guitare de L'Arme fatale. Il va falloir vous décider, possible. Les garçons. Dans le commissariat, on croit Sharon Stone, le Témi. Ouais, ça, on a dit que c'était bon. Tout est bon. La mort sort du film Au seuil de la vie. Ça, je suis sûr, c'est pas bon. Danny DeVito est au générique du film. Je crois pas. La moindre idée, mais c'est possible. Je dirais que Danny DeVito. Parce qu'il est avec Schwarzy, tu vois, ça m'a attiré et tout. Donc, j'ai fait les films ensemble. C'est tout à fait possible, comme c'est tout à fait pas possible. Mais je le vois pas. Non, moi, je dirais au moins deux. On n'a pas repris les excuses. Ouais, allez, on part sur deux. Deux? Putain, c'est vachement présomptueux, mais ouais, allez. Deux. Oui, bon. Ouais. Attends, je pourrais pas dire mieux. On dit deux. C'est une mauvaise réponse. C'était faux. Une. Ah, merde. C'était une seule. Et c'était quoi? C'était le cinéma? La mort sort du film Au seuil de la vie d'Ingmar Bergman. C'est faux, c'est le septième saut. Il y a Danny DeVito dans ce film. C'est le doubleur du chat. Putain. Oh là là. Oh la vache. Ouais, mais pas en VF. Ah là, il a râlé. Oh là, j'avais rien à foutre. Putain, le truc de merde. La question. Vas-y, lâche-toi. De merde, vas-y. Putain, j'ai jamais regardé ce film en VO. Vas-y, lâche-toi. Je regarde en VF depuis des années. Vas-y, lâche-toi, vas-y. Putain de merde. J'hallucine. Oui, ça fait du bien. Ça y est, t'as le droit. J'y crois pas. Comment je peux tomber sur une question comme ça? La honte. Merde. Je m'en veux un peu parce que je suis parti sur deux. On aurait pu régresser sur un. Il y avait la relâcher une heure de frustration. Le chat, c'est Danny DeVito. Putain, j'ai jamais su ça. Merde. Sur Last Action Hero, quoi. Oui, bah là, maintenant, je sais. Last Action Hero. Last Action Hero. L'autre, je l'avais juste. Ouais, Bergman, ouais. Mais pas Last Action Hero. Pas le chat. Ouais, mais quand même, le Bergman, fallait le sortir. Le septième saut. Oui, là. Ah, mais celui-là, j'avais aucun doute, ouais. Ok. Ok, merci pour cette question. Merci beaucoup. Moi, je considère que c'est quand même une victoire morale. Oui. Ça, moralement, c'est nous qui sommes au top. Non. Ouais, vous avez raison. On va se mettre un demi-point. T'as raison. Quoi? Victoire morale. Un demi-point moral. Mais ouais. Un demi-point moral. Mais c'est nous, les gars, ça n'existe pas. Mais d'où? C'est pas vous, déjà. Quand c'était pas ça, bah si, on a parlé. Une ingérence. Une ingérence. C'est un demi-point moral. C'est vrai. Oui, vous avez raison. Moralement, c'était pour nous, c'était. Mais c'est pas vous qui décidez de ça, déjà. On est deux femmes. Vous êtes quatre femmes. Super éprouvant d'entendre les débats et on mérite notre demi-point. Moi, je suis d'accord. Non, on le retire, on est bonne joueuse. Je vais vous poser ma... Là aussi. C'est extrêmement... Là aussi, on retire aussi le demi-point qui est posé là. Putain, mais c'est pas vrai. N'importe on est prête. Alors, je vais vous poser ma dernière question. Que la j'ai dernière pour... de Bibou, après, d'accord. Après, Yannick, t'en as plus, je crois. Moi, j'ai le petit jeu. Pour le jeu final, d'accord. D'accord. Donc, pour les Bouchères de l'Est. Okay. Dans le film Les Tortues Ninja de Steve Barron en 90. Ok. Vous aimez bien Les Tortues Ninja. Oui, ça va. Tout à fait. Ouais. D'accord. Pour l'instant. Alors, je vais demander de vous concentrer, ça va aller un petit peu vite. D'accord. De quelle couleur sont les bandanas des tortues? Leonardo est en bleu, Donatello est en mauve, Raphaël est en rouge, Michelangelo est en orange. Réponse non. B. Donatello est en rouge, Raphaël est en vert, Leonardo est en orange, Splinter est un vieux rat, Michelangelo est en bleu. Réponse C. Michelangelo est en rouge, Splinter est un vieux rat qui pue, Donatello est en orange, Raphaël est en vert, Leonardo est en bleu. Ou réponse D. Donatello est en orange, Leonardo est en orange, Donatello est en mauve, Raphaël est en rouge, Michelangelo est en bleu. Sans hésiter, D, la réponse D, parce que Donatello est mauve. Et c'est la seule où tu as dit que Donatello était mauve. Alors non, je l'ai aussi dit dans la première. Ouais. Alors tu peux redire la première et la dernière s'il te plaît, Bibou. Alors réponse A et réponse D. Réponse A. Leonardo est en bleu, Donatello est en mauve, Raphaël est en rouge, Michelangelo est en orange. Là, t'as dit que Raphaël était rouge. Raphaël est en rouge, oui. D'accord. Okay. Ou réponse D, je suis vachement essoufflé là. Oui, je sais. Réponse D, Leonardo est en orange, Donatello est en mauve, Raphaël est en rouge, Michelangelo est en bleu. Et c'est moi qui fais des questions qui durent longtemps. C'est celle-là que je suis la moins fière en fait. Hein. Tu as tort. Elle est bien. Oui, ok, merci. La une ou la première ou la dernière, j'ai un doute. Mais Donatello, il est orange. Non, il est mauve. Il est mauve. Ok. Ouais. Bah non, tu es en train de me faire douter sur les couleurs. C'est horrible. Alors, vous savez que c'est votre dernière question et je crois que... Est-ce qu'il en reste un? Non, on a tout pris. Ah, pardon, non, excuse-moi. Non, ouais, c'est bon, on a tout pris. Ok. T'en avais un que tu préférais, toi? Non? On sait que Splinter est un gros rat qui pue, par contre. Alors, sur son odeur, alors, là, moi, je trouve ça vrai. Je m'engagerai pas. Les rats, c'est très propre. C'est un animal très propre. Les rats sont propres. Oui. Et alors, tu peux nous redonner les couleurs. Est-ce que vous voulez que je vous le donne un peu plus rapidement? Non, je veux bien. Je veux bien les couleurs là où il y a juste le rat. Pas le rat qui pue, mais juste le rat. Parce que c'est vrai que comme vient de la dit Zaius, les rats, c'est propre. Donc, je vais juste prendre la proposition avec le Splinter est un rat. Un vieux rat. Voilà. Alors, je cite Splinter dans la réponse B et la réponse C. Je veux juste celle pas où il est un vieux rat qui pue. C'est le B. Vieux rat. C'est voilà. Le B. Alors Donatello en rouge, Raphaël en vert, Leonardo en orange et Michelangelo en bleu. Mais sinon, ça. Et donc après, et là, c'est le seul où il y a du vert. Mmh. C'est le seul où il y a du vert. Et il y en a un qui est en c'est vert. C'est le seul où il y a du vert, je crois. Non, dans la réponse C, il y a aussi du vert. Ah, ouais, mais là, c'est un vieux rat qui pue. Et on prend pas le vieux rat qui pue, on va prendre le rat classique. Parce alors, vous savez que a... l'histoire de Splinter, le vieux rat, ça n'a aucune incidence sur le, oui, sur les couleurs des bandanas. Hein. Faut bien qu'on choisisse un moment donné. D'accord, ouais. On prend la B? Eh ben, il est... C'est pas là où il y a le rat qui pue. Non. Non, le rat qui pue est dans la C. Eh ben, on va prendre la, celle où il n'y a pas le rat qui pue. Le rat qui pue, il n'y a pas de rat qui pue dans la A et la D. Il n'y a pas que ça. Mais oui, mais il y a Splinter dans la B. Dans la B, il y a, attends, Splinter est un vieux rat, mais qui pue pas dans la D. Voilà, ben, on va prendre la B, alors. Vous prenez la B. Allez, oui, on prend la B. On prend la B. Le vieux rat qui pue. Et les tortues, est-ce que ça pue? Oui. Sans doute. Oui, ça a l'air vachement sûr. On prend la B. Vous validez? Oui. Eh ben, non, c'est l'erreur bête, c'était la A. C'était la A, bien sûr. Leonardo est en bleu, Donatello est en mauve, tu avais raison tout à l'heure, Raphaël est en rouge, et Michelangelo est en orange. Bien sûr. L'équipe de Sophie Marceau, vous l'aviez. Bah, bien sûr, je faisais partie du club des Tortues Ninja quand j'étais petit, et Raphaël m'écrivait une lettre tous les ans pour mon anniversaire. Oui, le vrai, bien sûr. Bien sûr. Gros level. Ouais. Gros level. Encore pire que la carte Dorothée de Gauthier, quoi. Pas trop déçu quand même. Club Dorothée. Moi, je trouve qu'il fait peur. Ouais, très peur. Il fait peur. Ouais, très peur. Je n'ai plus aucune confiance en cet homme, je suis. Mais... En fait, je suis fier de cette question. Ouais, elle est bien. Ouais, ouais, ouais, ouais, elle était pas mal. Et moi, j'aurais parié qu'il y en avait un vert. Enfin, bref. Ouais. Salut, Ego. Coucou, Ego. Coucou, Amandine. J'ai essayé de passer discrètement, Ego. C'est ça, les joies de Podren. Il y a des gens qui passent pendant qu'on enregistre. Ego, une chanson. Amandine, la coquine. Est-ce que tu connais le générique des Tortues Ninja? Est-ce que tu peux chanter le générique des Tortues Ninja? T'as dit quoi, Amandine? tu m'as très bien cerné. Oh, on ne dira rien, on ne dira. J'adore les gens qui passent pendant pas de Rennes et qui nous écoutent et qui seront du coup dans l'émission. Bisous Amandine. Merci beaucoup. Bisous Hugo. À tout à l'heure pour Stockholm. Et c'est donc ma dernière question pour l'équipe Sophie Marceau. Et il vous reste un joker. Il vous reste un joker. Notre avis à nous. Ouais. Parce que notre avis compte. Oui, tellement. Alors. Oh punaise. C'est bon? Oui, mais juste, moi, je suis prêt. Non, d'accord. Après. On le défonce à la fin. Ah ouais, normal. Toi et quelle armée? Oh, j'ai pas besoin d'armée. Je crois qu'on a gagné quoi qu'il arrive. Oui, je crois aussi. Oh, punaise, attends, tu sais pas les règles à la con qui... Là, il y a des chances. Non, il y a pas de chance. Ah, bon. Allez, vas-y, on dit. Ça, t'en sais rien. C'est Julien. Alors, Babe, le cochon devenu berger. On t'avait prévenu. Combien de fois on t'a dit de regarder le film? Alors, Babe, simple, tu peux pas dire que t'es pas prévenu. Pense que ni lui ni moi ne l'avons vu. Merci. Ah, ça va être embêtant alors. Mais attends, depuis le temps qu'on vous prévient. Ah ouais, mais je l'ai toujours pas vu. Non, mais vous pouvez pas dire que vous étiez pas prévenu quand même. Voilà. On a fait des podcasts et tout. C'est vrai. On a fait des émissions. Si on a écouté. T'as pleuré à la dernière émission parce qu'encore une. J'ai écouté le premier épisode. Ah ouais, t'as pas tout écouté toi? Non. Salaud. Salaud. Je me suis affligé ça. Moi, j'ai tous écouté les webcasts. Ah, mais moi, j'aime pas les spoilers. Et je me suis dit, genre, et après, j'en ai parlé à mes enfants qui m'ont dit qu'ils l'avaient déjà vu. J'imagine, ils regardent sans moi. Oui! Ils ont foiré. Oui! Même à Pifi, tu sais, chez les George Miller, tu sais que j'ai pas vu parce que voilà. Ouais. Et ils veulent pas les foirer. Oh, non, papa, on les a déjà vus. Trahison! T'es viré! Trahison! T'es viré! Non, mais grave. Un coup, ils ont regardé la course aux jouets sans moi! Oh, putain, ça, c'est sans moi! Ah, voilà. Un point garage. J'attends. Trahi par ma propre famille! Mon propre sang! La pire histoire que j'ai jamais entendue. Mais c'est horrible! Sans moi! Ouais. Tu auras le droit de ramener tous tes points de râlage à la maison. Comme ça, quand tu pourras râler à la maison et les donner à la famille Zaius. Alors, oui. Vas-y, dans je vais poser ma question très simple sur Babe le petit cochon. Ben oui. Babe le petit cochon devenu berger possède une petite touffe de poils noirs sur son petit corps potelé. Tout à fait. Mais où se trouve-elle? Eh oui. Dans son cul. Dans son cul. C'est pas moi qui l'ai dit cette fois-ci, c'est bien. Je vais prendre un bon pour ça. Ah, tu prends un bon pour ça. Non, c'est un hommage à Fred. Ah, ouais, c'est un bel hommage. Je trouve que c'est un bel hommage. Alors. Elle est bien passée, c'est là. C'est pas passé. C'est ce qu'elles disent toutes, hein. Franchement. Je vais vous donner les propositions. Donc, oui, il y a une s'il petite te plaît. Touffe de poils. Où se trouve-t-elle? Elle se trouve sur ses fesses, à la base de sa petite queue. Elle se trouve sous son museau, telle une petite moustache. Alias un Hitler. Je vois bien Babe, le petit cochon avec son petit Hitler. Ouais, c'est pas Babe, vrai. Le cochon devenu dictateur. Il a pas vraiment dit ça, j'en reviens pas. Elle se trouve sur le haut de son torse. Oui. Non, je sais pas si on appelle ça un torse pour ou un poitrail. Un poitrail, voilà. D'accord. Où elle se trouve sur le haut du crâne. Telle une poupette. Il y a une touffe sur le crâne, mais elle est pas noire, non? C'est un mogwai. Moi, je dirais qu'elle est blonde. Elle a une houppette blonde, hein. Ouais. Hein. Bon, la moustache, c'est pas possible. Oh. Non, mais enfin, le petit cochon devenu Hitler. On vraiment. L'aura remarqué quand même. Ouais. Bon. On dirait qu'ils ont jamais dit ça. L'autre, c'est où? C'est sous la queue ou sur la queue? Alors, il y a sur les fesses à la base de la queue, sous le museau, non. Mais la base de la queue, c'est le haut de la queue, c'est ce qui rattache, ou c'est ce qui rattache la queue au dos. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Ça me paraît chou. Ou alors sur le torse. Non, je pense pas. Alors, sur la tête, ça serait une touffe noire? Mais n'importe quoi. Non. Bah, je sais pas pourquoi, mais après, je l'ai pas vu, le film. Mais j'aurais... Ah bah, ça se voit, hein. Bah, toi, je sais que tu l'as vu, bien sûr. Kikrine, tu l'as vu? J'aurais dit qu'il était blond. J'aurais dit que la touffe était blonde. Alors, sur vous la savez, tête. C'est votre dernière question. Oui. Il vous reste l'avis de l'équipe. Bah, affaire, justement. Contre, ouais. C'est pour ça. Et nous, on va voir un avis, hein. Si tu es une belle personne. Ah, moi, c'est le test, le donc, test ultime. Tout à fait. On va laisser Bibounette répondre et évidemment, si elle donne la mauvaise réponse, ça ne peut être qu'une mauvaise personne. Alors, vous pouvez entendre son avis, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser aussi. Hein. C'est vous vrai. Vous pouvez avoir juste son avis. Ouais, mais si elle disait une mauvaise réponse, ça serait vraiment une mauvaise personne. Alors, ça serait dégueulasse. Bibou a proposé, ouais. Donc on est d'accord, au niveau du croupion. Oui, on peut dire ça. Ouais. Au niveau des naseaux. Oui. Au niveau du poitrail. C'est ça. Et au niveau de la tête. Exactement. Tout à fait. Alouette. Il n'y a pas de dernière réponse. Pas du tout. Ok. Eh ben alors moi, en toute honnêteté, même en ayant vu Babe et même plusieurs fois, je ne me souviens pas du tout d'avoir vu cette touffe de poils. Je suis d'accord. Donc je lui mettrai sur le cul. Je ne sais pas. Ou bien sur le croupion. Pareil. Donc vraiment. Parce que. Je n'ai pas. Quand tu regardes l'affiche ou quoi, tu vois que. Je n'ai pas ce souvenir. Tu vois que, un petit cochon rose, quoi. Tout à fait. Moi, je ne vois qu'un. Donc je lui mettrai aussi. Sur la tête, il y a une touffe. Ouais, il a. Moi, honnêtement, je ne m'en souviens pas de. Non, mais lui, il parle d'une petite tache noire quelque part. C'est une tache ou non? C'est une touffe de poils. C'est des poils. Pourquoi il aurait une touffe de poils sur le cul d'ailleurs? Bah, je préfère pas m'avancer. Alors, honnêtement, je ne sais pas. Sur la tête, il a quelque chose. Sur la tête, il a rien. Les yeux dans les yeux. Mais non, il ressemble à un cochon. Les Françaises et les Français ont le droit de se répondre à la question. Sur la tête. Sur ma tête, je te jure, je sais pas la réponse. Mais sur sa tête à lui, pas sur ta tête à toi. Mais je la connais pas, la réponse. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je vois un cochon normal. Je vois pas de crête sur la tête. C'est un cochon normal. Donc prenez une décision. Il a rien sur la tête. Mais j'en sais rien. Il faut bien. En termes de storytelling, en termes de caractérisation, il faut bien le différencier des autres cochons. Oui, on va pas passer 15 heures là-dessus. Bon, je te dis que je sais pas où est la touffe. Sans conviction, je dirais la tête, parce que ça peut pas être sur le derche. Il peut pas avoir la moustache d'Hitler. Le croupion. Et il va pas avoir le poitrail d'Aldo Macchione. Tu vois, ça ne colle pas. Bah, j'irai la tête. La bite de Silfredi. Je soupçonne un piège avec la couleur des poils, mais comme j'en sais rien. Ouais. Je l'aurais vu blond plus que brun. Ouais, pareil. Noir, c'est ça. Noir, ouais. Il a dit. Justement, mais si ça se trouve, on pense à la tête parce que sur la tête, c'est une autre couleur. Donc, et peut-être qu'il y a effectivement une minuscule. Non, mais t'imagines qu'à un moment, dans le film, il y aurait un gros plan sur son derche. Non, non, je pense pas. Justement, c'est pour ça qu'on sait pas qu'il a cette tache, personne l'a vu. Et à un moment, il se tourne dans le film, il se roule dans la fange. Façon Aldo Macchione. Aldo Macchione, si, la classe, si. Mais comme je l'ai pas vu, non, j'en sais rien, la tête. Allez, prenez une décision maintenant. Il va me falloir une réponse quand même. Oui. Oui. Ouais, la tête. La tête. La tête, sans grande conviction. Non, sans aucune conviction. Vous validez la tête? Oui. De toute façon, on a gagné. Alors. Ouais. Bah, du coup, je vais en profiter. Je vais vous montrer ça avec le cadre que j'étais encadré, Docteur Zaius. Non, mais c'est pas le cadre que t'as encadré, c'est le cadeau suite au contexte. Justement, j'allais. Le contexte pendant Babecast 2, il fallait trouver la taille de la queue de Babe, de Yago. Du chien, et c'est de Docteur Zaius qui s'est rapproché le plus, sans tricher d'ailleurs, parce qu'il n'avait jamais vu lui Yago. Alors que Yannick a participé, il a donné la mauvaise réponse en ayant vu le chien. Ouais. Donc du coup, voilà le cadeau. C'était la photo que je vais te remettre et vous allez tous observer que sa tache. Ah ouais. Ah oui. La tête. Tache de voyer blond, c'est incroyable. Mais, ouais, et c'est une sacrée touffe quand même. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Et mais t'es vraiment une mauvaise personne. Mais je savais pas. Tu sais que j'ai eu le. Et franchement, tu quand je t'ai répondu, pas savoir. Mais j'ai eu ce cadre pendant longtemps sous les yeux. Et vrai, à force de l'avoir sous les yeux, je ne voyais même plus la tache noire. Oh merde. Bah, il est franchement moche. Mais j'ai vraiment, franchement, je ne mens pas, je suis pas. Donc un cadre Babecast. Et je ne voyais. Premier podcast mondial sur l'univers de Babe. Tu m'aurais dit, là, elle est sur les poches, j'aurais dit, bon, bah, ok, machin. Mais là, je pense que je vais le mettre dans mon. Je me souvenais même plus que. Ok. Je tombe des nues, là, je viens de l'avoir, la tache noire. Ah oui, parce qu'elle est pas petite, en fait. Bah, c'est ça. Non, mais pourquoi je me dis ça? Mais pareil. Mais c'est impressionnant. Attends, j'avais la photo sous les yeux et je. Ils ont dit la tête. Ils ont dit la tête. On a gagné. On a gagné. Incontestable. Haut la main. Ah là là là là. Je propose qu'on fasse le tour du stade avec en brandissant ce trophée. Avant de fanfaronner, il faut gagner réellement, cher docteur. Bah c'est fini là. Il reste un jeu. Oh. Il reste le dernier mini jeu. J'avais dit qu'il y avait 3 jeux. 2 jeux. Oh. Ça est très suspect. De toute façon, moralement, on aura gagné. Voilà. Ce jeu s'appelle le jeu de la tagline. La tagline étant une petite phrase notée sur les affiches des films permettant de donner une petite accroche à ce film. On va commencer. Alors les règles sont simples. Je vais vous donner une tagline. Vous allez pouvoir me poser chacun votre tour une question auquel je ne pourrai répondre que par oui ou par non pour essayer de trouver. Vous me posez une question, je vous réponds, vous me faites une proposition. Pour trouver le film. C'est à la vitesse ou c'est chacun son tour? C'est chacun votre tour. D'accord. Ok, on y va. Les filles étant un petit peu en retard, on va commencer par vous. C'est gentil. Ou pas. La tagline de ce film à trouver, d'ailleurs je pensais que c'était un mythe, mais en fait non, ça a réellement été utilisé. Ouais. C'est « Il revient et il est pas content ». Jésus 2, le retour. Putain, je crois que je le sais. Il revient et il est pas. Vous pouvez me poser une question auquel je ne pourrais répondre que par oui ce que c'est. Ou par non. Je suis quasi sûr. Est-ce que c'est un film parodique? Non, ce n'est pas un film parodique. Je vois bien un film d'action. Oh, quoi que. Vous pouvez me faire une proposition. Il revient et il est pas content. Ouais, tu vois, je vois bien. Mais c'est pas une parodie. Je m'appelle Da. Judas. C'est clair. Je vois trop le truc, quoi. Vous allez vous aimer les autres, bordel de merde. Est-ce que c'est un film d'action? Ah non. Il faut proposer et après, okay, on demande au Sophie Marceau. Minuit moins le quart avant Jésus, minuit moins le quart avant, comment c'est, minuit moins le quart avant Jésus-Christ. Ouais, c'est ça. Film de Jean-Yann. C'est ça. Minuit moins le quart avant Jésus-Christ. Ce n'est pas minuit moins le quart avant Jésus-Christ. Il revient, il est pas les content. Sophie. A priori, Draven a une idée. Vous avez une question, vous pouvez me poser une question. On peut poser la question. Vous posez une question auquel je ne pourrais répondre que par oui. Vas-y, je te laisse y aller. Ouais. Je te donne, tu as toute ma confiance. Ok. Toute ma confiance. Est-ce qu'un singe, au sens large, est le personnage plus ou moins principal du film, ou un personnage important du film? La réponse est oui. C'est King Kong 2. King Kong 2. Il revient et il est pas content. D'accord. C'est ça. Bravo. Merci. Alors là, je suis épaté. Chapeau. Non, moi, j'étais là, ça va durer 3 heures. Non, il y a Jérôme, t'inquiète pas. Un point pour les Sophie Marceau. Tout à d'accord. Fait. Et vu comme ils ont de l'avance, c'est vous qui commencez, comme ça vous avez une chance à chaque fois de... D'accord. Ça fait vraiment les ça se tient. Quoi. On fait la manche. Le titre, enfin non, la tagline de ce film est « Le film à côté duquel Ben-Hur ressemble à un documentaire ». Le docteur Zaius se marre, et pas qu'un peu. Mais je ne sais pas pourquoi pour l'instant. En plus, ça veut pas du tout dire que j'ai la bonne réponse. Okay. Ah, okay, ça veut dire qu'il est très fatigué. Et puis, ça pourrait très bien. Ah oui, alors du coup, est-ce une que question, c'est... Une question, vous pouvez me poser une question. C'est pas un film érotique. Hein. Enfin, est-ce que c'est un film érotique? Tiens donc. Non, bah, oublie ma question. Ben-Hur, attends, tu peux redire la tagline? Le film à côté duquel Ben-Hur ressemble à un documentaire. C'est ironique? Cette phrase, elle est ironique par rapport au film ou c'est... Non. Vous étiez non, en train de vous aider et vous donner des infos là ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il voulait savoir si j'avais la bonne réponse. Ah ouais, puis moi je participe pas donc. Je pense qu'il la connaît pas non plus. Tu la connais, toi, la bonne réponse? Ah, il voulait savoir si j'avais la bonne réponse. Mais genre, on communique, le présentateur communique avec les gens. Il voulait savoir pourquoi, mais il a pas dû entendre quand j'ai dit que je rigolais, mais que ça voulait pas dire que j'avais la bonne réponse. Entre Yannick qui aide. Après, je m'engage à dire. Et en même temps. Je m'engage à dire pourquoi je rigolais. Je vais prendre un bon, je vais prendre un bon. Ouais, moi, je dis, ouais. Prends-le, ouais, carrément, quand je vois que les deux là, mais carrément, mais c'est quoi cette équipe? Et en même temps, tu vois, ils nous font genre une fleur à commencer en premier. Mais en fait, on pose la question. Entre lui qui les aide et machin, et lui qui dit qui crie, et nous, comme de toute façon, bon oui, il n'y a pas de coup, soucis, ouais. Prends deux, même si tu veux, tiens, prends les deux, carrément. Voilà. Mais c'est quoi, ces trucs-là? Mais c'est quoi? Parce que nous, on donne la mauvaise réponse. Il me reste un bon, je peux vous le donner si vous voulez. Tu veux mon bon? Mais tu sais quoi, mais tu peux te les carrer, tes dons. De toute façon, on sait bien que vous êtes de connivence, vous les mettez. Elles continuent à râler, qu'elles n'ont pas de bon. Et mais on s'en fout, on finit, on les utilise jusqu'au bout, déjà, on en a eu, tu vois. Bon, rien à foutre, vas-y, bah, pas vanne avec ton truc, là. Je pensais pas que ça allait tourner comme ça. Ouais, bah voilà, bah c'est ça, mais c'est ça quand tu aides les équipes, là. On saute pas sur la table parce qu'on respecte le matériel. Mais carrément, ouais, voilà. On n'en pense pas moins de tout ça, là, ces histoires de bons, machin et tout, les regards, tout ça, les connivences. Maintenant, on a tout bien vu. Tu dis ça parce que t'es jaloux. Oui, bah ouais, parce que t'as jamais regardé comme ça. Voilà, bah voilà. Bien sûr. Ouais, c'est tout ce que tu sais dire, de toute façon. Voilà. Donc baignure, machin, tout ça, bah on sait pas. Voilà, comme ça, ça leur fait un point de plus et tout tu ça. Les regards, les rires. Ouais, ouais. Voilà. Et on va surtout pas leur donner une mauvaise réponse pour leur donner un indice. Et donc la réponse est. Eh ben, on va donner. Ben, Satan, il faut. Vous aviez posé votre question. J'ai rien compris, oui. Non, mais voilà, on a râlé. Tu sais pourquoi j'ai râlé, pourquoi j'ai rigolé? Non, parce que juste avant, t'as dit 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Je me suis dit, putain, ça se trouve, c'est ça la réponse. Ah, d'accord. Ouais, c'est possible, ça aurait pu. Le film à côté duquel Bénure ressemble, là. Donc, c'est quand même Bénure Marcel, le personnage de Coluche. C'est carrément pas con. Parce que c'est forcément une connerie. Bah oui, c'est forcément. C'est forcément une connerie, c'est forcément un péplum. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Ouais. Et il y a un truc pour les aider, mais qui se démerde. Et franchement. Ou alors, demander, est-ce que c'est un film français? Toi, qu'est-ce qu'on propose comme question un peu pour un peu, tu vois, élaguer? Parce que moi, je me demandais, tu vois, si ça pouvait pas être genre la vie de Brian aussi, ou une connerie comme ça. Ah, ouais. Donc, effectivement, il faut qu'on oriente humour anglais, humour français. Ouais. Je sais pas. Mais je sais pas, hein, je suis pas sûr du tout. Ah non, mais on peut la tenter. Je crois qu'ils nous font signe de la tenter. Est-ce que c'est un film français? Non. Si, est-ce que c'est un film tourné en anglais? Ah, mais là, ça peut être américain. Faut faire gaffe. Non, ouais, on demande si c'est un film français. Ouais, ouais, ouais. Allez, est-ce que c'est un film français? Non. Alors, on dit la vie de Brian? Bah, j'ai pas d'autre idée. Ouais, la vie de Brian, c'est juste une bonne réponse. C'est une mauvaise réponse. Ah, merde. Merde. Bon, alors, c'est à nous de reproposer un truc, là. Non. Merde. Bon, n'empêche, t'as vu qu'on n'a pas communiqué. Ouais. C'est ce que vous nous faites croire. On n'a pas gagné. Donc alors attends, c'est pas ironique le titre et c'est un film qui est pas français. Rien dire cette tagline, non. Enfin, je comprends pas ce que ça essaie de dire en fait. Est-ce qu'il y a des beaux gosses dedans? C'est ça la question. Ah bah écoute. Sachant que c'est hyper subjectif comme réponse. Tout à fait. Non. Ah, ils sont tous moches. Non, mais la question c'est genre, est-ce qu'il y a un Brad Pitt ou un. Non. Non. Oui, c'était ça la réponse. Oui, c'était vraiment ça la question. La réponse est non. D'accord. Il y a des beaux gosses. Ok. Ah, ils sont censés ressembler aux Spartiates. C'est vrai, t'as raison. Là, il a dit non. Ah oui, bien vu. Non. Alors, ils sont attends. Tous moches. Ou alors, au moins, est-ce que c'est un péplum? Vous avez pas de proposition? Non. Gladiator. Ouais, voilà. Mais on s'en fout. Je dis un truc histoire de juste passer à la suite, quoi. Non, c'est pas Gladiator. Okay. Vous, votre question, là. Va la poser, ta question. Que c'est un péplum? Oui, bah oui, parce que je comme vois ça, pas... déjà, on y verra un peu moi, plus clair. Ouais. Est-ce que c'est un péplum? Non, c'est pas un péplum. C'est un truc de curé. Un truc de curé? C'est rien. J'en sais rien. Hein? Pourquoi je vois un truc de curé, moi? J'ai pas d'idée, bordel. Franchement, je sèche. Redis voir le titre, le tag. Le film à côté duquel Bénure ressemble à un documentaire. Ouais, bon, je suis pas si mal avec Gladiator, en fait. Est-ce que ce film est un documentaire? Ça voudrait dire que c'est non, chiant. Non, ça veut dire que... Que Bénure est chiant. Bénure, ça serait un alors docu Bénure, c'est tellement... C'est bien fait par rapport à l'autre bouse. C'est ça que ça nous veut aide dire. Pas beaucoup. Donc on doit trouver un truc qui respecte bagnole. Pas du tout ouais, ni c'est ça, l'histoire, un film de... ni l'histoire, parce que quoi, ouais, ni jour de tonnerre, j'en ouais. sais rien. Je vois pas du tout. Rien. Ah. Ah, parce que la vie de Brian, ça me semble une super Bah ouais ouais. Là je faisais déjà le tour du stade là. Faites-moi une proposition, on va accélérer un Elles ont dit peu. Quoi les filles? Elles ont dit Gladiator. On parle des beaux gosses et tout Elles ont rien dit. Elles ont dit Gladiator. Ah, on est toujours là. D'accord. Ouais, bah, justement, okay. Ouais. Bon. Attends, faut qu'on essaie d'élaguer un peu. Est-ce que c'est un film américain? Non. Ouais, sinon, non. Bah, vas-y. Hein. Alors, là, moi, j'ai juste c'est dit pas français, que. C'est pas américain. Bénure avait l'air d'être un documentaire, donc c'est sûrement que l'autre ne respectait ni l'histoire ni rien et que c'était très, très plein d'erreurs. Ouais, mais c'est pas vendeur. Mais tu vends pas un film sur le fait notre film c'est vraiment de la merde. Bah ouais, si, c'est ça, c'est super chelou. Si, vrai. Ça peut marcher. C'est très étrange. Bon, vous maniez le cul. Alors là, faut qu'on fasse une proposition. Oui, faut qu'on dise n'importe quoi. Sur le torse. Fast and Furious. C'est sur le torse. C'est sur le torse la question. Bon alors du coup Fast and Furious. Non mais je dis n'importe quoi mais non mais c'est pas ça, c'est pas Fast and Furious. Je vais donner la réponse. C'est ça, ouais, parce que sinon à mon avis demain matin au petit déjeuner il y en a qui vont se mordre les doigts puisque c'est Monty Python Sacré Graal. Ah bah voilà. Oh, bah voilà. Qui fait passer Bénure pour un simple documentaire. Putain, on était tout près. Je suis dégoûté. Vous étiez très proche, ouais. On était tout près. Les Monty, ouais. Mais c'est ouf qu'il était utilisé pour Sacré Graal et pas pour Ah ouais, on était vraiment ça n'a pas de sens. Juste à côté. Non, mais encore une fois, moi, je prends ça comme une victoire morale. Ouais, oui. Parce qu'on avait compris l'idée. On était à ça. Et la dernière, pour le plaisir. C'est la dernière de toutes les guerres. La dernière. Ok, on y va. Et ça n'a aucun enjeu. Oui, ça, on sait. Oui, ça, y a pas de Donc, pour le fun, la tagline, c'est « L'homme est l'endroit le plus chaud où se cacher ». L'aventure intérieure. Non. Ça aurait pu être Alien. Réfléchissez bien. L'homme est l'endroit le plus chaud où se cacher. L'homme est l'endroit le plus chaud où se cacher. Les fourmis. Je vous raconte si Freddy. Est-ce qu'il y a un film où c'est une puce le héros? Mon père, ce héros, non. Ou un film avec des virus. Ah ouais. Ouais, c'est alerte. Ça, parce que ça m'a fait penser à alerte ou contagion. Pensez bien à la chaleur. L'armée des douze singes. À la chaleur. L'homme Marais. Est l'endroit le plus chaud où se cacher. C'est vrai que The Thing, ça marchait bien. Ouais, The Thing, ouais. L'endroit le qui plus a dit... chaud. The Thing. C'est une bonne réponse. Ah, ouais. Bah, c'est Draven qui l'a dit en première. Ouais, je l'ai dit avant. The Thing de Carpenter. Ouais. Okay. Avec la chaleur et l'homme, ouais. Ah ouais. L'homme pour se cacher, la chaleur. C'est un bon titre. C'est un bon titre, ouais. Même si c'est un peu spoiler. C'est un peu spoiler de l'homme se cacher dans l'homme avec la chaleur qui le réveille par rapport au froid. Ouais, enfin, c'est un spoiler quand tu connais le film, quoi. Je pense que quand tu y vas, t'oublies la tagline, mais complètement. Mais une fois que t'as vu le film et que tu connais la tagline, tu fais, les mecs, là, vous avez tout dit, en fait, quoi. Donc, Oui, mais tu la comprends. Oui, tu la comprends après. Ouais, on est d'accord. Carrément. Et donc, y a eh bien voilà, les alors, amis, c'est la fin de ce quiz. Oui. J'espère que tout le monde a passé un bon moment. Oui, excellent. En plus, on n'a pas du tout râlé. Non, ça va. Non. Bah, moi, il me reste bien. Moi aussi. Moi aussi. Mais il nous reste. Tu vois, c'est ça, les gens de droite. Voilà. Mais non, au contraire. On est de gauche, on est carré, rationnel. Je vais le garder pour le second. Pas comme la droite, panique morale. Tout de suite, on voit des complots. Oui. Mais ouais, mais regarde. Non, on va garder mon petit coupon pour le second tour. On sait jamais. Peut-être que je pourrais en avoir besoin et tout. Nous, on vit au moins. Voilà, on profite. On dépense, mec. Nous, on ramène la coupe à la maison. Ouais. Non, alors ça, c'est pas la coupe à la maison. C'est ton ancienne coupe qu'on te ramène. Trophée Bedcast. C'est beau. Et toi, Stony, est-ce que t'as passé un bon moment? J'ai passé un bon moment. Est-ce qu'en post-prod, tu pourras mettre We Are the Champions? Oui. Bien, non, ça mérite. J'ai prévu une autre chanson. Bah, d'ailleurs, on va se quitter avec ça. Je vais lancer. Ah. J'ai prévu Ace of Spades de Motorhead. Très bien. En version exotique, parce que c'est repris par les Cuban Brothers. Donc, une version cubaine. Que je mets en fond, si vous voulez vite fait écouter tranquillement. Je vais vous remercier d'avoir participé. Vraiment, c'était un plaisir. Désolé pour les questions qu'on a pu poser. Karine et Biboudette. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci beaucoup. Merci Bibou. C'est les Cuban Brothers. C'est très bizarre. C'est très bien. C'était vraiment cool en tout cas d'enregistrer à Podren et de pouvoir tous se retrouver en physique, de se voir, de pouvoir aller, de voir Draven s'en mêler avec son casque. Pardon. C'était vraiment. Mais en tout cas, je veux rien spoiler pour les auditrices et les auditeurs qui n'auraient pas écouté les épisodes précédents, mais il y a deux personnes autour de cette table qui restent invaincues. Absolument. Voilà, c'est tout ce que je tiens à dire. Mais est-ce que ce sont des vraies belles personnes? Nous ne le saurons jamais en tout cas. Merci Yannick en tout cas pour encore une fois une collaboration au top avec Bibou dans ces élaborations d'avoir pas du tout été de mauvaise foi pendant ce podcast. Et on remarquera le travail de Yannick sur la création de ces fiches. Il va falloir documenter et son bien. Bravo à Yannick. Franchement génial. Ouais. Merci. Bravo Kikrine. Eh ben merci de m'avoir invité. Hein. Ah bah c'était. Écoute, je suis contente de pas avoir répondu aux questions. C'était cool. En fait, la seule à laquelle j'ai répondu juste, c'est celle où on a fait plouf plouf. Bah voilà. Vous m'invitez quand vous voulez. Hein. Ah bah écoute, la prochaine fois. C'est quand même un tiers des bonnes réponses. J'ai une culture générale de ouf. Cinéma, nickel. Merci pour tout en tout cas tout le monde et puis on va continuer de profiter de Podren. Mm-hmm. Parce que tout le monde nous attend et vraiment ravi et puis on remettra ça très vite. Merci Bibou. Merci. À quand vous voulez pour faire des émissions courtes. Ah oui, on compte sur toi Draven. Okay. Bisous. Allez, des bisous. Au revoir. Au revoir. Bisous. Oui, donc tu les as bien aidés en fait avant, en fait. C'est bien ce que je dis. C'est quoi, je te le donne mon bon de ralage parce que franchement. Ouais, non mais franchement, mais d'où tu les as aidés avant, quoi? Oui, mais donc tu les aides, c'est bien ce que je dis. Voilà, donc oui, oui, bah oui, donc tu les as aidés, c'est bien ce que je dis. Et je trouve ça inadmissible. Oui, j'ai donné mon point de râlage parce que je râle ouvertement. Parce que là, franchement, je trouve que oui, un des présentateurs aide ouvertement une équipe et je trouve ça inadmissible. Ah mais complètement, complètement, complètement. Et je suis complètement crie. Je crie injustice à cette partie parce qu'en plus, on a que 2,5 points. Et voilà, voilà, jusqu'au bout, je râle parce que j'utilise mon bon jusqu'au bout. Voilà. Oh la vache! Putain, ouais, là j'en ai rien à foutre, putain, le truc de merde, la question de merde, j'ai jamais regardé ce film en VO, mais chier, je le regarde en VF depuis des années, putain de merde, j'hallucine, oui, ça fait du bien, j'y crois pas, comment je peux tomber sur une question comme ça, la honte, merde, le chat. Ouais, putain, le chat c'est Denis DeVito, putain, j'ai jamais su ça. Merde, putain de chat. Moi, oui, oui, même Happy Feet, tu sais, chez les George Miller, tu sais que j'ai pas vu, parce que voilà, et eux veulent pas les voir, oh, pourquoi, j'ai déjà vu. Trahison. Trahison. Un coup, ils ont regardé la course aux jouets sans moi. Sans moi. Ah voilà, un point râlage. Trahi par ma propre progéniture. Sans moi. Mais genre, on communique, le présentateur communique avec les équipes. Donc on fait ça maintenant. Entre Yannick qui aide, maintenant Bibou qui aide Zaius. Et après on va s'étonner pourquoi... ouais bah vas-y bah prends-le, ouais carrément, quand je vois que les deux là, mais carrément, mais c'est quoi cette équipe là? Et en même temps, tu vois, ils nous font genre une fleur à commencer en premier, mais en fait on pose la question, ça les aide? Et nous comme de toute façon on rentre, oui y'a pas de soucis, on prend deux même si tu veux, tiens, prends-en deux. Ouais voilà. Parce que nous, on donne la mauvaise réponse, donc ils ont déjà des indices. Et au final, mais tu sais quoi, mais tu peux te les carrer tes dons. De toute façon, on sait bien que vous êtes de connivence, vous les mecs, là, machin. Et mais on s'en fout, on finit, on les utilise jusqu'au bout, déjà, on en a eu, tu vois. Bon, rien à foutre, vas-y, bah, pas vanne avec ton truc, là. Voilà. On saute pas sur la table parce qu'on respecte le matériel par rapport à un, hein, voilà. À vous, votre question, là. Tu vas la poser, ta question, oui, merde. Dépêche-toi. Moi, je prends le pont de Jérôme pour râler. Je pensais pas que ça allait tourner comme ça, vraiment, hein, avec mon histoire.